même dans ton été. Ah, vraiment, mais j'ai pitié. Ah, j'ai commencé à être fatigué. Ah, on adore ce souvenir de Daniel Sandier, Enfants jetés, et puis comme Zod's Family, juste avant dans ses Gamaloya. L'équipe de la matinale, vous le savez, là, bien présente, elle piétine d'impatience d'ailleurs de vous retrouver. Nos journalistes, Isabelle Waraud, Michael Lorette, Yves Gruyer, bien sûr, je l'ai toujours oublié mon petit Yves. Mouah, Yves, les gros bisous Yves, il est toujours là, bien présent, pour vous informer sur la circulation routière. Et puis bien sûr Prisca, aujourd'hui au marché forain de Saint-André. Quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous demain samedi, et oui, vive le week-end. Ce week-end qui est bien souvent attendu avec impatience, et ce, dès le lundi. Mais je vous comprends, hein, après une semaine de travail harassant, le week-end est vu comme un moment de détente, de repos. Enfin, c'est ce qu'on dit, parce que des fois, il arrive le lundi, nous encore plus fatigués. Mais enfin, bon, c'est un moment agréable, hein. On peut le passer en amoureux, en famille ou entre amis. Quoi qu'il en soit, le week-end est toujours trop court et nombreux sont ceux qui aimeraient bien qu'il dure plus longtemps. Mais qu'est-ce qu'un week-end parfait ? Repos, sortie, rencontre ? Une chose est sûre, il est plus apprécié ensoleillé que pluvieux. Enfin, c'est ce que je vous souhaite. Moi, je vous souhaite le meilleur. Bye bye. Bienvenue à tous. Là, à Lyon, bon réveil. Bon réveil, Isa. Bonjour à tous. Bonjour, Mickaël. Comment il est ? Ben, ça va. Réveillé très, très ou quoi ? Bien. Presque réveillé. Presque. Ah. C'est le dernier jour bon. De la semaine. En même ensuite, temps, on part en week-end. Ah oui, en même temps, il y a intérêt d'être réveillé les 5 heures sur la première. C'est bien. Et c'est surtout l'heure du journal avec Stéphane et Nilorak. Bonjour Stéphane. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Ils sont toujours là, mais ils sont presque insaisissables. Témoignages, analyses de leur discours et de leur parcours. Deux journalistes ont enquêté pendant plusieurs mois sur les frères Klein, réunionnais d'origine et figure centrale de l'organisation État islamique. Le rassemblement prime sur la division, parole du nouveau président de l'université Frédéric Mirenville, élu hier après 2 mois d'altermoiement. Une présidence partagée, vous l'entendrez. Arrêter le gaspillage alimentaire, c'est l'objectif de l'accord signé entre une enseigne de boulangerie et une association qui vont redistribuer les invendus à ceux qui en ont besoin. Vous connaissez leurs noms, mais qui sont-ils vraiment ? Quel est leur parcours ? Quelles sont leurs motivations ? Jean-Michel et Fabien Klein, ces deux frères d'origine réunionnaise, considérés comme les voix officielles françaises de l'organisation État islamique, figurent aujourd'hui parmi les djihadistes les plus recherchés au monde. Le public les avait découverts au lendemain des attentats de Paris, l'un parlant et l'autre chantant dans une vidéo de revendication. Et c'est à ce moment-là que les journalistes Marine Vlaovic et Karim Manan ont commencé une enquête de plusieurs mois dans des lieux fréquentés par les frères Klein ces 15 dernières années. Une enquête sur laquelle Marine Vlaovic du magazine toulousain Boudu revient pour nous. C'est une enquête qui a commencé quasiment au lendemain en fait, des attentats du 13 novembre avec plusieurs co-auteurs. On s'est vraiment interrogé en fait sur ces voix du 13 novembre et on a réussi par le biais de rencontres de témoins, de spécialistes aussi qui ont pu analyser un petit peu leur discours, etc. Et ce qui nous semblait intéressant, c'était de pouvoir retracer le parcours des Klein sur un territoire et donc en l'occurrence Toulouse où ils sont revenus à la fin des années 90, au début des années 2000. Et il y a quelque chose de très particulier chez les Klein, c'est que ils sont toujours là, mais ils sont presque insaisissables, finalement. C'est vraiment des figures très, très importantes, très centrales, et finalement, ils sont jamais attrapés. La journaliste Marine Vlaovic, jointe par Alain Rosalie. Et en attendant de voir les frères Klein devant un tribunal, cette affaire de viol et d'agression sexuelle sur mineurs examinée aujourd'hui à la cour d'assises de Saint-Denis. Un procès en appel. L'accusé avait écopé de 3 ans de prison ferme en novembre dernier pour les agressions sexuelles, mais avait été acquitté pour les faits de viol. Justice encore, il a provoqué la chute de coureurs dimanche sur le Tour cyclisme et c'est bien lui qui va porter plainte aujourd'hui. Jean-Bernard Boyer cible d'une part le coureur qui a fait chuter son fils et d'autre part l'organisateur du Tour. L'organisateur Michel Bénard qui, lui, se dit droit dans ses bottes. Frédéric Miranville, nouveau président de l'Université de la Réunion. Il a été élu hier avec 20 voix contre 15 pour Jean-Pierre Chabria, son principal concurrent. Le troisième candidat, Gilles Lajoie, s'est en effet rallié au vainqueur du jour. Un accord entre les deux hommes avait été présenté le matin même de l'élection. Frédéric Miranville prend donc la présidence de l'université. Gilles Lajoie, lui, sera à la tête du futur conseil académique. La Réunion est la deuxième université française à y avoir recours. Frédéric Miranville. Aujourd'hui, nous avons une majorité. Il y a 20 voix qui se sont prononcées sur mon nom, mais ce nom représente deux collectifs, deux personnes, une présidence partagée. On a privilégié l'intérêt de l'établissement, on a croisé nos projets, on a croisé nos compétences. On souhaite mettre en place une équipe de gouvernance nouvelle, un nouveau modèle de fonctionnement dans lequel le rassemblement prime sur la division. Quelle sera votre première action ? La première action, ce sera de constituer une équipe, puisque effectivement, on a pris un petit peu de retard dans cette mandature. On aurait dû avoir un président le 1er juillet, nous sommes le 8 septembre. Donc je serai au bureau pour constituer une équipe et commencer le travail. Frédéric Miranville, nouveau président de l'Université de la Réunion, interrogé par Florent Marot dans un communiqué. Didier Robert, sénateur et président de la région, félicite le nouveau président de l'université et lui promet tout son soutien. Félicitations également d'Ibrahim Patel, le président de la CCIR, qui parle d'une impulsion positive et dynamique à l'enseignement supérieur au profit des jeunes et de l'excellence du territoire. Et à deux pas de là, devant le rectorat, une trentaine d'enseignants du second degré ont manifesté pour demander l'abrogation de la loi de réforme du collège. Selon eux, cette réforme propose un enseignement au rabais. Et pour Marie-Hélène Dor, secrétaire départementale de la FSU, et cette grève avait donc toute sa raison d'être. Maintenant, la rentrée est faite et qu'on a, nous, les moyens de faire un bilan de cette réforme. Et ça correspond exactement à tout ce qu'on avait dit l'année dernière en alertant sur les difficultés, la confusion, la baisse des horaires disciplinaires au profit de dispositifs qui ne sont pas avérés comme étant pertinents. Je parle des EPI, hein, surtout. Voilà. La disparition ou en tout cas les menaces graves sur des enseignements comme le latin ou la langue régionale à La Réunion, c'est pas acceptable. Voilà, donc il y a un milliard de bonnes raisons d'être là aujourd'hui. Marie-Hélène Dor, secrétaire départementale de la FSU, au micro de Nadine Bachelot. Le taux de grévistes était de 5,7% seulement à La Réunion. La rencontre avec le recteur a duré 30 minutes, rencontre au cours de laquelle Velayudum Marie Moutou leur a annoncé la création d'un comité académique de suivi de cette réforme. Et il sera également en question d'éducation, entre autres avec l'invité de la matinale. À partir de 7h15, Philippe Dornier reçoit Gilles Trémont, le sous-préfet chargé de la cohésion sociale et de la jeunesse. On en parlait hier soir, la ministre des Outre-mer, Erika Baretsch, a obtenu de Manuel Valls le maintien des aides fiscales aux entreprises dans les zones franches d'activité ultramarine. Ces taux d'abattement applicables aux entreprises des zones franches devaient progressivement être réduits, ce que contestait le patronat Outre-mer. La Fédération des entreprises d'Outre-mer s'est félicitée de cette annonce. Samia Badat Karam, secrétaire générale de la FEDOM. Ce gel de la dégressivité concerne trois dispositifs, l'impôt sur les sociétés, la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et la taxe foncière, que ce soit sur le bâti et le non-bâti. Au total, c'est une annonce qui va concerner environ 15 millions d'euros que les entreprises des DOM n'auront pas à payer. Donc c'est un signal encourageant que Erika Baretsch donne aux entreprises d'outre-mer. Très concrètement, vous savez que les entreprises ultramarines sont soumises du fait de l'éloignement, de l'insularité, de l'étroitesse des marchés à des contraintes que n'ont pas les entreprises métropolitaines. C'est pour ça qu'elles ont une fiscalité qui est plus avantageuse. En maintenant ces aides, la ministre aide quelque part les entreprises donc justement à augmenter leur compétitivité. C'est un signal donc encourageant, même si bien sûr ce sont des annonces politiques et nous attendons la traduction de cette annonce dans le PLF 2017 qui sera annoncé à la fin du mois. Samia Badat-Karam, secrétaire générale de la FEDOM, jointe par Marie-Carline Chardonnet. Les boulangeries Paul de Piton-Saint-Leu et Saint-Denis offrent leur pain et viennoiseries invendus aux plus démunis. Cette action de solidarité a été actée par la signature d'une convention hier matin à Saint-Leu entre la direction de l'enseigne et les deux associations caritatives qui bénéficient de ce don, à savoir la Croix-Rouge et l'association Saint-Pauloise CLEF. Ces invendus qui allaient à la poubelle avant viendront désormais améliorer le contenu des colis alimentaires. Et Christian Agéry, responsable logistique des boulangeries Paul, rappelle les raisons qui ont amené l'entreprise à prendre une telle initiative. Nous avons tous les jours des invendus et l'idée c'est d'arrêter le gaspillage de ces invendus et de le redistribuer aux personnes qui en ont besoin. C'est très variable évidemment, hein, puisque... Mais je dirais que en moyenne, ça va être entre 30 et une cinquantaine de produits tout confondus, sachant que c'est très variable. Hein. Il y a des fois, nous n'avons pas d'invendus, ça peut arriver, et d'autres fois, on en a beaucoup plus. Je pense qu'il est quand même important aussi d'apporter quand même des produits de qualité au niveau peut-être nutritif aussi pour les personnes qui en ont besoin. Christian Agéry, responsable logistique chez Paul, répondait à Pierre Komorasamy. Et puis, aujourd'hui, c'est le 9 septembre, c'est la journée mondiale du syndrome d'alcoolisation fœtale. Plus d'informations dans notre prochain journal à 5h30. En attendant, voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale avec Anne-Charlotte Costabadi de France Info. La Direction générale de la sécurité intérieure est certaine d'avoir déjoué un attentat après l'interpellation de trois femmes dans l'Essonne dans la soirée à Boussy-Saint-Antoine. C'est en lien avec cette voiture chargée de bonbonnes de gaz et d'essence, découverte ce week-end près de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. La fille du propriétaire de la voiture, âgée de 19 ans, fait partie des interpellés. Elle était connue par les services de renseignement pour des velléités de départ en Syrie. Les forces de l'ordre l'ont blessée par balle à la cuisse et à la cheville. Elle a attaqué un des policiers à l'arme blanche, dont les jours ne seraient pas en danger. À noter aussi que deux frères et leur compagne sont toujours en garde à vue. Et la DGSI a donc entendu les trois femmes dans la soirée. Elle est persuadée que ces femmes de 19, 23 et 39 ans allaient passer à l'acte dans la semaine. Une alerte attentat a même été lancée dans la journée dans toutes les gares qui desservent la ligne D du RER entre Boussy et la gare de Lyon, avant donc leur interpellation à la sortie d'un appartement. Le détenu qui avait attaqué et poignardé deux surveillants à la maison d'arrêt d'Osnide ce week-end dans le Val-d'Oise, mis en examen. Il est notamment poursuivi pour tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste. Ce détenu était incarcéré dans l'unité de prévention de la radicalisation après avoir tenté de se rendre en Syrie. Il sera finalement changé de prison. Une trentaine de personnes toujours bloquées dans des télécabines dans le massif du Mont-Blanc. 12 personnes ont finalement été évacuées en rappel vers minuit. Les secours devaient reprendre leurs interventions dans la matinée. En tout, 110 personnes étaient coincées depuis le milieu de l'après-midi dans une douzaine de télécabines entre l'aiguille du Midi à Chamonix et la pointe Heilbronner en Italie. Les câbles se seraient croisés à cause du vent. Des secouristes ont été élitreillés dans les télécabines où il reste des personnes coincées. Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate à la primaire de la droite et du centre, l'ex-numéro 2 du Parti des Républicains, a affirmé qu'elle a recueilli suffisamment de parrainages. La date limite des dépôts de candidature pour aider donc ses parrainages, c'est ce vendredi avant une analyse de la Haute Autorité d'ici la fin du mois qui doit donc valider ses candidatures. Finalement, les chefs de la diplomatie russe et américaine vont bien se rencontrer à Genève. Ils vont tenter de trouver un accord sur la marche à suivre en Syrie. John Kerry devait rencontrer Sergei Lavrov hier, mais Washington avait finalement refusé, affirmant que les négociations étaient au point mort. Une mission insolite, pas comme les autres, prélever des échantillons sur un astéroïde et les ramener sur Terre. C'est la tâche complexe confiée à la sonde Osiris-Rex, lancée dans la nuit par la NASA. Elle doit rejoindre d'ici 2020 Bennu, un astéroïde à 400 millions de kilomètres d'ici, pour ramener donc des échantillons. Là, et puis une médaille d'or en jeu paralympique remportée par la judoka Sandrine Martinet, sacrée championne des moins de 52 kilos. On l'adore, Anne-Charlotte. Oui. Tu es notre reine. T'inquiète pas, ma chérie. Voilà. C'est vendredi, c'est normal. Aujourd'hui. Et puis c'est la nuit aussi chez c'est toi. Ça. Voilà. Alors donc que chez nous, on t'en veut pas. 12, on t'en veut pas. Bisous, ma chérie. À tout à l'heure. Ah oui, c'est difficile aussi pour nos journalistes. Bon élève, bonheur, la langue imaille, dans le zapping. En attendant, chez nous, soleil et douceur jusqu'à dimanche avec un petit bémol pour samedi. Ouais, on va s'attarder aujourd'hui déjà sur la journée d'aujourd'hui. Soleil partout, les pluies au sommet seront donc en dehors de la couche nuageuse. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Les plus hauts sommets et le volcan, donc même le volcan, si vous allez randonner, pourquoi pas aujourd'hui. Dans les hauts, dans les cirques, un peu plus de nuages cet après-midi, surtout sur la partie nord-ouest, un peu comme hier, avec des débordements possibles de cette couche nuageuse vers le port ou la possession. Bah alors, certainement, on restera au sec à tout endroit de l'île. Les températures vont évoluer. Elles sont douces ce matin déjà, hein, avec par exemple 18-19 degrés sur le littoral. Elles évolueront jusqu'à 27 degrés à Saint-Paul cet après-midi, 21 degrés à Sillaos et 17 degrés au volcan. Grand matin avec Isabelle Waro et Mickaël Laurette. Et nous sommes le vendredi 9 septembre, exactement. Les amis. Exactement, bonjour à vous, merci de vous réveiller avec Réunion Première. Comment ça va ce matin? Eh ben pour nous le dire, suffit de nous envoyer un petit SMS au 06 92 70 2000 pour nous dire eh ben quel temps il fait du côté de chez vous. Est-ce que vous avez réussi à sortir de votre lit? Oui, parce que vous comptez rester encore un petit peu. Ça a été assez difficile. Ouais. On peut vous le dire, le vendredi, c'est pas facile. Voilà. Mais le vendredi, Tout est permis. C'est surtout ça. On vous attend cet après-midi chez David, entre 16h et 18h. Mais ce matin, d'abord chez nous, bien sûr, forcément, pour commencer cette journée que l'on va commencer avec le grand défi de grand matin. Vous savez, toujours la même chose. Vous avez le petit déjeuner. C'est ça. Peut-être en train de prendre le petit déjeuner. Vous postez la photo sur la page de grand matin. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, c'est vendredi. Et qu'aujourd'hui, vendredi, il y aura tirage au sort pour repartir avec votre croisière. C'est offert par Réunion Première et Croisière et Découverte à bord de notre catapassion, notre gros catamaran qui va comme ça vous promener pendant 3 heures. Et il fait pour vous ce catapassion, parce que c'est pour deux personnes qu'on vous offre cette croisière. Oui. Et là, pour le coup, ça sera l'après-midi. Du coup, là oui. La croisière, on est sûr. Voilà. On est sûr. Donc, si je commence à confondre le matin et l'après-midi, on est mal barré. Ah oui. Voilà. Surtout que ça va être long du coup. Oui, ça va être jusqu'à 8 heures là. Bon, vous avez ressenti une certaine douceur quand même dans l'air, ma chère Isa, ce matin en vous réveillant. Puis hier soir aussi. Moins froid. C'est vrai, alors peut-être un petit signe de fin d'hiver. Petit signe. On va pas non plus crier trop fort et trop vite. Prisca, elle est dehors. On va voir si elle ressent un peu de douceur, elle. Prisca. Alors, oui, bonjour ça va les amis. Salut Prisca. Oui, ben, ça va. Oui, c'est vrai qu'il fait moins froid et puis en plus le jour se lève plus tôt, donc à 8h, ça bon, se réchauffe plus vite. On tombe la veste, on met le maillot de bain, on va travailler. Il y a un élément aussi qui peut nous montrer qu'il y a un changement. Ouais. Hier, j'ai eu plein de carias chez moi. Ah, il dit qu'en Anacaria, c'est que l'été il rentre. Et apparemment, j'étais pas le seul, Bruyer, c'était pareil. Il y avait pas mal de monde à Saint-Denis notamment. Prisca, vous avez eu des carias vous aussi? Non, il n'y en avait pas à Sainte-Marie, parce que moi j'habite trop frais dans les hauteurs. Ouais. Mais on va vérifier si à Saint-André, il y avait des carias. À tout à l'heure. À merci tout à l'heure, Prisca. À tout à l'heure. On ira sur le marché à 5h45. D'ici là, on va rejoindre ma promise. Enfin. Pour 2020 ou 2022. Hein, c'est ça. Pas elle est promise, mais elle n'est pas au courant. Hein. Oui, elle s'appelle Juliette. Ou pas intéressée. Elle va vous dire l'horoscope dans un instant. Réunion Première, c'est la radio pays. Bonjour la Réunion. L'information locale dès 5h et tout au long de la journée. Des invités à votre écoute. Réunion Première avec vous, sur la route, à la maison ou au travail. Gros trafic, attention. Grand matin dès 5h, la colle Jacques à 8h et vos experts. C'est ce que nous rencontrons comme problème. Le débat de la mi-journée, le bon tempo l'après-midi, le magazine de la rédaction et Claudio dans la case à 19h. Notre tradition, notre culture, notre quotidien. Bienvenue sur Réunion Première, la radio pays. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place? Réunion Première vous invite pour Enfants Zilois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Première. Bon, allez, Mickaël, là, ce coup-ci, tu as 2 secondes. Ouais, dites-moi. Allez, pour prendre cette belle voix et essayer allez. Tu vois, charmer Juliette, prends, quoi. J'y vais, c'est allez, parti. Vas-y. Attention. Bonjour, Juliette. Bonjour tout le monde, nous sommes vendredi, et oui, ça y est, le week-end est bientôt là. Nous sommes le 9 septembre et aujourd'hui c'est la Saint-Alain. Bonne fête messieurs, moi je vous propose tout de suite et sans plus attendre de retrouver les prévisions astrales de cette journée. Bélier, vous saurez mettre du piment dans votre couple si vous êtes en couple et surprendre votre conjoint. Taureau, une petite aventure est possible pour les célibataires. Gémeaux, ce sera une excellente journée et aussi un bon week-end qui arrive. Vous allez prendre de nombreuses initiatives. Cancer, prise par le travail, vous n'êtes pas très présent pour vos amis ni votre famille. Lion, l'entente côté professionnel est quelque peu mitigée si vous êtes accompagné de Cancer. Vierge, il vous en faudra beaucoup plus pour vous déstabiliser. Balance, vous serez capable d'audace en cette journée pour atteindre vos buts et du coup, toutes les portes s'ouvrent. Scorpion, vous ferez preuve en cette journée d'une extrême ténacité. Sagittaire, tout s'arrange. Capricorne, il va falloir attendre un peu pour entrer dans les rangs. Verseau, n'hésitez pas à changer votre cadre de vie, surtout si c'est pour l'améliorer. Et Poisson, on termine par vous, vous avez une totale confiance en votre avenir. Excellente journée à tous et à toutes. Bon, je n'y croyais plus. Ouais, là, ça le fait pas. Là, je baisse les bras totalement. Ouais, Juliette, c'est fini. Voilà. Oh, c'est bon. Avant d'avoir commencé, d'ailleurs. Oh, bon, on file à Chantilly pour le tiercé écarté qu'un peu plus. D'hier, ouais, c'est comme ça. On a des peines, des fois, dans la vie, qui sont suivies de bonheur. Mmh. Par exemple, de gagner au tiercé écarté qu'un peu plus. Peut-être que ça a été le cas hier à Chantilly. Fallait jouer le 14, le 6, l'As, le 9, le 13. 14, 6, As, 9, 13, numéro plus gagnant, 27, 83. Bon, s'il n'a pas marché, nous remettre ça à soir. Ce coup-ci du côté de Vincennes pour le prix Adelinda. Départ prévu à 23h35, course en nocturne, 16 partants, 2850 mètres à parcourir, 4 900 000 euros dans la tirelire. Les pronostics de Pascal Maillot, il vous conseille le 13, le 16, le 3, le 11, le 7, le 5, le 9 et le 14. 13, 16, 3... 11, 7, 5, 9, 14 en cas de non partant, le 8, absolue vérité. Quant au pronostic du fouineur du GIR partenaire Réunion Première, ses pronostics le 13, le 16, le 3, le 11, le 14, le 10, l'As et le 5, 13, 16, 3, 11, 14, 10, As et 5. N'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir, jouons responsable. Restez là, dans une poignée de minutes, on va faire le tour du monde de tout ce qui s'est passé cette semaine. Mais alors complètement fou. Ah oui. Ah, ils sont ouf. Ah oui, ah, les gens, ils sont pas bien dans leur tête, hein, vraiment. Hein. Je pensais être fou, mais alors... Ah oui, il y en a non, qui me dépasse. C'est du high level. 5h19, si on écoutait Didier Kergrin, oh, avec Sois pas pressé. Ça tombe bien. Col est molle, viens m'assimper mon vieux épaule. Potin ça c'est pistasse, et qu'un tibier pas sans alcool. Viens monter si mon dos, masse à moins des bas en haut. Écris des trois petits mots, et ton tison de Simon Pau. C'est ri comme ça même, moi les siècles la écrit je t'aime. Ça même, mais moi aussi série et t'aime. Non, graphine pas, ou fais mon frisson de si moins. Ah, ou accoute pas, oublie pas moi, à toi na moins. M'aspire ton mon mollet, ça touille pas mon pied s'il te plaît. Pas besoin d'être pressé, la nuit elle est encore longue, mon gâté. Sois pas pressé, attends mon gâté, n'a toute la nuit pour ça. Sois pas pressé, je te sens excité, mais je te décevrai pas. Sois pas pressé, attends mon gâté, n'a toute la nuit pour ça. Sois pas pressé, je te sens excité, mais je te décevrai pas. Là pas moins le terre, ouais. Mais la série mi sa speedé. Et moi la dia où t'as l'air, si ou écoute pas où ça paye. Dites en trois mouvements, la STA où les prix des dents. C'est là que mi ça prend mon temps, pour faire sa vie et ton sentiment. Mais il est pas croyable, c'est que l'y croit que moi l'est pas capable. Qu'elle est indispensable, qu'il y a mon côté véritable. En plus, tu connais bien, qui ça m'y l'écho, ça que c'est moins. N'a point plus gourmand que moins, doudoune demain, elle est encore loin. La ti sa pi, se mwen kleti Mi kompon pi telman mwen la anvi Mwen va plis ken ide Se ri la mi sa komons delire Swa pa prese, atan mou gade Na tout la nwi pou sa Swa pa prese, jte san eksite Me jte desevre pa Sois pas pressé, attends mon gâté, là toute la nuit pour ça, ouais, ouais. Sois pas pressé, je te sens excité, mais je te décevrai pas. Ah, c'est lui, oui, toi. Caresse à main, mode à main dans mon cou. Ouais. Non, non, m'y arrête pas. Non, pas comme ça, aux séries, j'ai trop envie de toi. Bon réveil sur la première, mais alors tout doux, tout doux, tout doux. Oui, il va y aller mollo. Sois pas pressé. Bah non, ça sert à rien. Didier Cargrin sur première, c'est le matin, c'est vendredi. On va pas non plus trop s'en faire. Non. Et trop s'en prendre la tête. On s'en prend pas la tête. On s'en prend pas la tête de ce vendredi. On s'en prend pas la tête. Oui, j'ai inventé une expression. J'ai envie d'inventer une expression à cette heure-ci. Bon, tu s'occupes de tout. Bah oui, et tu s'occupes de rien. Bah voilà. Je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. De toute façon, on va vers des choses complètement folles. Alors ah pourquoi oui, bah pas non plus faire des expressions folles est. On est bien d'accord. Bon, il s'est passé plein de choses cette semaine. Et on va faire le tour du monde des nouvelles complètement déjantées. Complètement. On va commencer avec l'histoire d'un homme. Alors, écoutez bien. Qui a décidé d'en finir avec la vie conjugale. Ouais. Bah alors... Ce qui suit, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment une drôle de manière d'en terminer avec sa vie. Il s'appelle John, il a dans les 70 ans, il habite aux États-Unis et il en a marre de sa femme. Les deux viennent disputer et donc il se casse. Voilà, il sort de la maison, il s'en va, il va dans sa banque. Bon, il a 70 ans. Oui, voilà, par là. Il est marié avec sa femme depuis toujours. Et il va dans une banque, il glisse un petit mot au guichet là-bas avec « Ceci est un braquage, donnez-moi 3 000 $ ». Bon, je suis armé, tout ça. Alors on lui file la thune et tout dans un sac. Je ne crois tout. Pas le lien en fait pour et l'instant. Et il s'assoit dans la banque une fois qu'il a volé son butin et il attend la police. Et bien en fait, il voulait se faire arrêter. Il a dit au flic « Écoutez, arrêtez-moi, je viens de braquer la banque. Je préfère être en prison que de rentrer chez moi ». Son vœu a été exaucé, il est allé en prison. Mais bon, vu le contexte, il y aurait moyen peut-être que il n'est pas... Que ça aille au bout, pas au bout. Quoi. Oui, bah bon, non. Quand certains vous disent que la vie en prison, c'est pas si mal parfois, bah ouais, on peut comprendre. Hein, effectivement, ce monsieur, voilà. En tout cas, il a choisi la prison. Bon, alors, il y a Kuala Lumpur et Melbourne. Ce sont deux villes, une en Australie, une en Malaisie. Voilà. Mais ça se trouve pas au même endroit, là-bas, ben non. Lisa, alors, ces deux villes. Ça, on est d'accord. Sauf qu'il y a un pilote de la compagnie Air Asia qui, lui, il savait pas son avion. D'accord. Il était garé Sydney. Ok. Sauf que il fallait qu'il aille donc du côté de Kuala Lumpur. Sauf que quand il est rentré les coordonnées donc de la destination dans le système de navigation, ça a maillé. Il a trompé. Donc au lieu d'aller à Kuala Lumpur, l'avion l'a posé mais à Melbourne. Quand l'avion l'a décollé, l'équipage a rien vu. Personne n'a rien compris. Il y a que le contrôleur aérien australien qui s'est rendu compte que l'avion il partait pas dans le bon sens. Trop tard, ils ont essayé une fois en l'air de changer la direction, c'était foutu. J'imagine les gens derrière. Donc du coup, le voyage a duré un peu plus longtemps. Ah bah oui, effectivement, c'est pas tout à fait la destination. Et quand même tombé à 6 000 km de sa destination initiale. Bon, du moment qu'ils sont arrivés à bon port, parce qu'avec ce genre de pilote, c'est ça. On petite peut se poser erreur, hein. Mais grosse conséquence. Oui, c'est ça. Bah, alors, ça, c'était dans les airs. On va revenir sur la Terre. Oui. Et c'est pas facile pour les enfants d'apprendre l'alphabet russe. Heureusement, on peut le faire en chanson. Et ça devient quand même non plus drôle. Exactement. Et là, à ça, il y a la petite Violette qui a un petit jeu, elle, ce jeu, je chante mon alphabet. Et quand elle a commencé à chanter son alphabet, elle a surpris tout le monde, maman compris, qui a décidé de filmer sa petite fille de 2 ans, de mettre tout ça sur Internet. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est une petite diva, Violette. Ah oui, mais alors, attendez, on n'a pas la vidéo, nous. On non. a quelque chose comme un petit son. On a le son. Ah bon, on va écouter. Allez, alors, on écoute Violette. Ouais. C'est mignon. Bon, c'est l'alphabet, ça. Oui. En anglais, quoi. En même temps, ça aurait pu être l'alphabet cyrillique, c'était pareil. Que bon. Écoute, elle a 2 ans. Ouais, c'est mignon, hein. Enfin, tout ce qui est mignon à 2 ans, en façon. Hein. Elle pourrait raconter n'importe quoi, ça serait mignon. 2 millions de vues. Bon, voilà. C'était Juliette, l'alphabet. 2 ans, déjà diva. Violette. Voilà. C'est pas mal, selon c'est Violette, mignon. Effectivement. Bah, bon, oui. Allez, on va terminer avec cette histoire. Oui. De celle qui manquait vraiment pas de cul. Ah non, non, elle est britannique, elle a 32 ans, elle a passé sa journée à faire du shopping. Et c'est bien connu, Michael, le shopping, ça ruine et ça fatigue. Ah oui. Eh ben oui, elle avait enfin, les pieds. Ça ruine surtout. Ouais. Elle avait les pieds en compote, elle en avait marre, ses chaussures, ses appareils, tout. Elle essayait de faire une affaire, rien marche. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle appelle le SAMU. Allô, oui, c'est pour une urgence. Est-ce que vous pourriez m'envoyer une ambulance? J'ai mal aux pieds. Urgence de solde et bon, de shopping. Alors, l'histoire ne dit pas pourquoi la dame n'a pas pris plutôt un taxi. Par contre, ce que l'histoire dit, c'est qu'elle s'est fait méchamment jeter au téléphone par la personne mais des urgences. Mais j'imagine, oui, ils ont d'autres choses à faire. Et on imagine, évidemment, sa finiture sur Twitter, l'occasion de rappeler qu'on n'appelle pas les secours pour tout oui. et n'importe quoi, évidemment. Voilà. Bah, y a des gens comme ça qui sont... Et puis j'ai envie de dire à cette ils dame, sont, hey, quand il s'est fait shopping, mettez sa vatte. Qui n'ont pas de gêne. Oui, bah oui, c'est mieux. Plate. Ouais, mais bon, pas partout. Il y a des lieux où il fait froid aussi, ça. Hein. C'est un bah, peu compliqué. Alors, et si tu gagnes pas marche d'un talon. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu marches pas. Il y en a beaucoup qui savent pas. Hein. C'est fou ouais, ça. C'est ah là là. Bon allez, retour de C'est fou. Bah la semaine prochaine. Ah bah hein. écoute, que allez, d'ici ils ont là, un week-end pour se lâcher là. On n'est pas loin du week-end, mais on va démarrer cette journée de vendredi avec vous. Bon réveil dans le grand matin. Bisous. Bienvenue à tous. Voici Jonas Blue, la reprise de Fast Car. Yeah. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, I got a plan to get us out of here. I've been working at a convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. You got a fast car, fast enough so I can fly away. We're gonna make a decision. Live tonight or live die this way. Said his body's too old for working. His body's too young and took like his. Mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. And said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. We go cruising and entertain ourselves. You still ain't got a job. Not working the market as a checkout girl. At all things mm-hmm. You'll find work. C'était la reprise de Tracy Chapman. Ouais. Fast car. En 1988. Sinon il y a Jonas Blue. À l'instant, sur première, dans c'est toute vrai, la réunion. Oui. Ah bah okay. Moi aussi, tiens, après tout. C'est vrai que Tracy, c'est bien. Ah bah celle-là moi. Aussi est pas mal. Ah bah moi, je suis pas d'accord. C'est pas grave, déjà. Il y a l'original et puis les originaux. C'est ça. Merci Cécile pour cette brillante phrase. Sur la première. C'est l'heure du journal. Cécile Thomas, bonjour. C'est vendredi. Bonjour à tous. Pendant la grossesse, 9 mois, zéro alcool. Nouvelle campagne pour lutter contre le syndrome d'alcoolisation fœtale. C'est la journée mondiale ce vendredi. Plainte contre Enzo Bénard, plainte contre Michel Bénard. La famille Boyer attaque en justice après le coup des barrières sur le tour cycliste. Explication dans ce journal. Faible mobilisation contre la réforme du collège hier. À peine 8% de grévistes chez les enseignants. Mais les critiques sur cette réforme sont pourtant vive. Et puis il faut recycler les piles, on en parle à la fin de cette édition. C'est aujourd'hui la journée mondiale du syndrome d'alcoolisation fœtale. La consommation d'alcool est la première cause de handicap mental non génétique chez l'enfant. Et pour que le bébé soit atteint, un seul verre suffit pendant la grossesse. En France, toutes les heures, un bébé naît avec un cerveau mal formé. À La Réunion, il s'agirait d'une naissance tous les deux jours. Le SAF, comme on l'appelle, est la complication la plus grave d'une consommation d'alcool pendant la grossesse. Daniel D'Ambreville. Quand une femme enceinte boit un verre d'alcool, c'est le fœtus qui trinque. L'alcool passe dans le placenta, agit sur le système nerveux central du bébé, occasionnant des atteintes cérébrales, des malformations, des retards de croissance, des troubles d'apprentissage et des troubles du comportement. À La Réunion, classée 3e région pour la mortalité liée à l'alcool, on estime qu'entre 4 à 11 enfants naissent chaque année porteurs du syndrome d'alcoolisation fœtale, 140 présenteraient des troubles causés par le SAF. C'est donc pour l'Agence de santé une préoccupation majeure de santé publique. En septembre 2015, elle a décidé, dans le sillage d'un plan de lutte nationale, la mise en place d'un plan d'action régionale de prévention et de prise en charge du SAF avec la création d'un centre ressources expérimental. L'association SAF Océan Indien, qui se bat depuis 20 ans pour faire reconnaître les dangers de l'alcool pendant la grossesse, se félicite des efforts mais réclame plus d'engagement de l'État, en particulier dans le diagnostic et l'accompagnement des mamans. L'association a toujours prôné, pendant la grossesse, ces zéro goutte d'alcool. Cette année, la campagne nationale reprend à l'unisson. 9 mois, zéro alcool. Et pour en savoir plus sur cette journée de prévention, consultez le site de SAF Océan Indien, SAF Océan Indien. En bref, nos confrères de la presse écrite le révèlent ce matin à Saint-André. Une enquête a été ouverte suite au décès d'un bébé de 6 mois. L'autopsie n'a pas permis de déterminer si l'enfant souffrait de malformations ou s'il avait été violenté, car les médecins qui l'ont pris en charge ont décelé des traces suspectes sur son corps. Ses parents et sa tante ont été placés en garde à vue. Cette triste découverte hier à Bérive au tampon, hier donc une femme qui, d'après les témoignages des voisins, avait l'habitude de faire du feu dans sa case pour se réchauffer, a été retrouvée morte suite à l'incendie de son domicile. Elle aurait été asphyxiée par les fumées. Lorsque les pompiers ont été appelés, ils n'ont pu que constater le décès de cette femme de 55 ans. Les précisions de l'adjudant-chef Willy Sigismo du centre de secours du tampon. Lorsqu'on est arrivé, c'est vrai que l'appartement était entièrement consumé. On a fait une reconnaissance plus approfondie et en pénétrant, on a constaté une femme qui a été sûrement intoxiquée par la fumée en rigidité cadavérique. D'après les témoins, on disait que cette femme allumait souvent des feux dans sa maison pour se réchauffer. Maintenant, c'est vrai, nous, quand on est arrivé, il y avait l'endroit, sûrement le feu a dû commencer à prendre. C'est plus des meubles et ça a impacté toute la maison après. L'adjudant-chef Willy Sigismo, interrogé par Patrick Smith. Les suites judiciaires de l'affaire Boyer sur le Tour de l'Île cycliste. Souvenez-vous, dimanche dernier, au port, à l'arrivée de la première étape du Tour, le père de Jonathan Boyer avait entravé le sprint mené par deux coureurs pour protéger son fils. Selon lui, les deux sprinteurs ont lourdement chuté. L'organisateur de la course a parlé d'attentat. La famille Boyer a pris un avocat qui s'apprête à déposer une plainte contre Enzo Bernard, le coureur jugé responsable de la chute de Jonathan Boyer. Il déposera également une autre plainte, cette fois contre l'organisateur de la course, Michel Bénard, pour blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui. Le bâtonnier Georges-André Waro. Premièrement, la course n'a pas pu se dérouler sur le circuit normal. Ils ont opté pour un circuit secondaire qui n'était ni prévu, ni sécurisé, ni balisé, ni sans doute assuré en tant que tel. Deuxièmement, quand il y a eu le premier accident, il aurait dû arrêter la course, ce qui n'a pas été fait. Ce qui a mis manifestement en danger la vie des uns et des autres, et surtout de celle de mon client Jonathan Boyer, qui a été projeté par terre par un autre cycliste. Et pour Michel Bénard, cette plainte vise plus à détourner l'attention. Il se défend d'avoir mal organisé cette épreuve. Michel Bénard qui rappelle que la réglementation donc a été respectée. Le Tour est placé sous l'égide de la Fédération française de cyclisme. La régularité de l'épreuve a été constatée. Et si elle ne l'avait pas été, jamais Monsieur l'arbitre national n'aurait donné son aval pour le déroulement de l'épreuve. Les chutes sont des faits de course. Le risque, c'est la chute pour les coureurs. Ils en assument les possibilités. Si Monsieur Boyer avait noté au départ que la ligne d'arrivée n'était pas conforme à ce qu'il croit savoir, lui, d'une ligne d'arrivée, eh ben, peut-être aurait-il fallu qu'il arrête la course avant de la commencer. Des propos recueillis par Antoine Garnier, une affaire à suivre donc. 5h36 sur la première, la suite du journal, Cécile Thomas. Pas de mobilisation générale contre la réforme du collège. Hier, à peine 8% des enseignants étaient grévistes. Un rassemblement était organisé devant le rectorat dans la matinée. Nadine Bachelot a rencontré des enseignants tout de même farouchement opposés au texte appliqué depuis la rentrée. Écoutez Karine Albert, elle est professeure de lettres au collège Paul Hermann à Saint-Pierre, un collège en REP+. Je suis opposée à cette réforme parce que c'est une réforme qui conduit à l'autonomie des établissements, alors que nous sommes pour l'égalité de tous devant le savoir et l'emploi. Ce que nous désirons, c'est avoir de l'ambition pour nos élèves et non pas que chaque établissement puisse décider des projets, du niveau qu'il se fixe, etc. pour ses élèves. Et d'autre part, nous désirons que le maximum d'heures disciplinaires soit dévolu aux élèves. Nous sommes contre les épis qui diluent les savoirs pour faire des activités. Nous sommes pour l'instruction pour tous et nous avons beaucoup d'ambition pour les élèves et je pense qu'à l'île de la Réunion, c'est nécessaire. Tous les dispositifs de la réforme ne sont pas encore appliqués à l'heure qu'il est parce que justement, cette mise en place, elle est lourde, elle est difficile à effectuer. Par exemple, les épis n'ont pas commencé dans pas mal d'établissements et ne sont pas à l'œuvre encore, par exemple, dans mon collège. C'est aussi une réforme qui implique beaucoup de problèmes de fonctionnement, etc., qui sont lourds à gérer pour tout le monde. Karine Albert, professeure de lettres, interrogée par Nadine Bachelot. C'est le dernier jour ce vendredi pour consulter et donner votre avis sur le projet de loi sur l'égalité réelle outre-mer, projet porté par Erika Baredj. Les débats parlementaires devraient démarrer dans moins d'un mois. Hier, la fédération locale du Parti Socialiste tenait une conférence de presse pour défendre le bilan de François Hollande. L'occasion de défendre aussi le projet de loi sur l'égalité réelle outre-mer, très critiqué par l'opposition. Une critique qui ne surprend pas Christian Annette, le porte-parole du PS. Les grandes dates, c'est 1848. La droite locale était opposée à l'abolition de l'esclavage. En 1946, au moment de la départementalisation, la droite locale qui combattait pour garder ses privilèges, il y a un sens à cela, elle veut garder ses privilèges. Et je rappelle que c'est messieurs Vergès, le père Vanche et Césaire, des communistes, qui ont porté ce combat. En 80, le débat, c'était entre l'égalité et la parité sociale globale. Mais c'était du mépris pour les Réunionnais. Dire que nous, à La Réunion, nous n'étions pas capables d'utiliser l'argent des transferts sociaux avec responsabilité. Ils combattent l'égalité, ils veulent de la parité et ils génèrent des inégalités. L'égalité, ce n'est pas donner la même chose à tout le monde. L'égalité, c'est donner plus à ceux qui ont moins pour que tout le monde se retrouve sur la même ligne de départ. Christian Annette, porte-parole du PS au micro de Gaël Le Dantec. On les met de côté pour ne pas les jeter à la poubelle, mais souvent on les oublie dans un coin du garage. C'est la journée européenne du recyclage des piles aujourd'hui. L'occasion de rappeler qu'il faut les recycler, c'est bon pour l'environnement. Et à La Réunion, on est en retard à ce niveau. Selon une enquête nationale, sur 100 piles, 25 sont jetées, 40 sont recyclées. Nadine Bachelot. Relevons le défi du recyclage, c'est le thème de cette deuxième édition. Cette année, plus que jamais, la collecte des piles et de batteries portables usagées est primordiale puisque le taux national de collecte était de 40% en 2015 et que l'objectif de la directive européenne est d'atteindre 45% cette année. Le but du recyclage, éviter tout risque de pollution et recycler jusqu'à 80% les métaux contenus pour les réutiliser dans des piles neuves ou dans l'industriel. Il faut savoir que près d'un 1 milliard de piles sont vendues chaque année. Chaque Français utilise en moyenne 20 piles par an et ils en recyclent 8. L'idéal serait d'arriver à 10 piles par an. C'est un véritable enjeu de développement durable. Pour cela, il est important de sensibiliser les consommateurs à l'intérêt et à la nécessité du tri sélectif et du recyclage dans la diminution du volume des déchets ménagers, la réduction du niveau de pollution et surtout la valorisation des métaux. Nadine Bachelot, donc aujourd'hui, on recycle les piles. Ah, ça fait penser et on recharge les batteries aussi. Oui, c'est vendredi. Ça en a besoin. C'est vrai que notre pile, elle est bien morte, là. C'est dur, hein. C'est très, très à tout dur. À l'heure, Cécile. À tout à l'heure. 5h40 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Doux hier soir, mais un petit peu plus frais ce matin, ouais, Mickaël. On s'est un petit peu emporté tout à l'heure en disant qu'il y avait une atmosphère un peu douce. Bon, bah, c'est vrai qu'on se réveille un peu plus tôt que tout le monde. Alors, nous, on était encore sur la vague d'hier soir. Mais ce matin, c'est frais quand même. Ah plus bon frais qu'hier, seulement 1 degré à la plaine des Caves. Il y a des remontées là qui reviennent justement des hauteurs. Il fait 14 degrés dans les Hauts-de-Saint-Leu, 18 à Saint-Pierre, 19 au Pont. Donc, c'est plus frais qu'hier. Alors, c'est vrai qu'au volcan, il fait plus chaud qu'à la plaine des Caves, bizarrement. Même 9 degrés de différence, c'est énorme. 10 degrés au volcan aujourd'hui, donc il fait doux ce matin, mais parce qu'il fait plutôt gris au volcan et on a quelques averses hein, sur le flanc est du volcan. Voilà l'explication partout ailleurs. Donc on sera sous des fraîcheurs, mais rassurez-vous, le soleil sera au rendez-vous dès les premières heures du jour à peu près partout et on devrait gagner très vite quelques degrés pour atteindre 27 à 28 degrés sur le littoral ouest. On aura 26 à Saint-Denis et dans l'intérieur 21 degrés à Sillaos. Tout cela bercé par le vent qui se renforce un peu légèrement aujourd'hui, 50 km/h sur le nord et le sud. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et avant 6h, on vous fait gagner vos places pour le concert, événement du 7 octobre prochain. Exactement, Enfants Illois, Cassia, l'Indigo, sur scène, la scène du petit stade de l'Est. Pour jouer avec nous, un seul numéro de téléphone à retenir, c'est le 02 62 99 2000, pas tout de suite hein. Avant 6h, un petit bout encore, attendez un petit bout. Et puis à 5h45, on ira sur le marché avec Prisca. Au thé, oui, thé. Ça, c'est belle, ça. James, tout d'ici le là. Temps. Chaque matin, vous nous accompagnez sur le 06 92 70 2000. On salue Hervé qui est avec nous en ce moment. S'il faut pas trop s'en faire, sinon c'est l'anémie. Ah ouais, c'est oh la là blague. Là, le jeu c'est de la mots, blague du vendredi. Ah c'est dur aussi chez vous. On alors dirait. Si vous n'avez pas compris à la maison hein, ou dans la voiture, s'il faut pas trop s'en faire, le faire. FER quoi. On peut manger quoi. Ah. Sinon c'est l'anémie. D'accord. Voilà. Bisous mon bref. Hervé. Mais on vous aime bien Hervé. Hein. C'est pour ça qu'on l'a dit hein, votre blagounette. 06 92 70 2000 pour tous vos messages. Aïe aïe aïe. Restez là. On revient bouge dans pas. Grand Matin. C'est dans l'actu avec Philippe Dornier. Et votre syndicat ne bouge pas maintenant. Et vous êtes majoritaire. On est habitué à ces grandes déclarations. Le problème, c'est que nous n'avons pas de l'argent. Mais notre argent est dans la poche d'État. On veut savoir ce qu'on veut à la Réunion. On veut une belle route. On veut ceci, on veut cela. C'est dans l'actu avec Philippe Dornier du lundi au jeudi dès 12h15 sur Réunion Première. Thierry, allons à la plage avec nous demain. Ah désolé, je ne peux pas, je dois aller à la CGSS pour aller récupérer mon attestation de carte vitale. Pas besoin de te déplacer. Crée ton compte Amélie et utilise leur service sur amélie.fr. Tu peux imprimer ton attestation de droit, contacter l'assurance maladie par mail, demander ta carte européenne et même télécharger l'appli Amélie. Facile, pratique, plus d'excuses, nous attend à où. Pensez au compte Amélie, votre espace personnel qui vous rend bien des services. L'assurance maladie. Hé, hey, vous connaissez que depuis le 1er septembre, il y en a moins de ramassage poubelle? Comment ça fait, là? Inquiète pas, chérie, il suffit de produire moins de déchets et de mieux trier. En plus, les bons pour l'environnement et pour l'avenir de la Réunion. Hé, hey, regarde, papa, sur notre calendrier de ramassage, il y en a toutes informations. Il n'est pas compliqué. Pour plus d'infos, appelez le numéro vert au 0800 501 501. Appel gratuit depuis un poste fixe. Rendez-vous sur www.civis.re ou sur Facebook Civis Officiel. Moins de ramassage, plus de tri, plus d'avenir. Profitons-en pour avoir les bons gestes. Première. Mika, tu as un panier? J'en ai un. Bah, tant mieux, alors. Moi, j'aime bien aller sur le marché, surtout pour rencontrer des gens. Ah, bah ça, c'est bien. Ouais. Ça tombe bien, dis donc. Ah, bah on y va. Allez. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Et tous les matins, eh bien, Prisca, elle est bien entourée. Il y a de l'ambiance déjà. Elle y entend, hein. Wow. Oui, vous entendez, il y a Chanapol sur le marché de Saint-André. Et puis il y a Hendrix aussi. Bonjour Hendrix. Jimmy. Bonjour à vous. Bonjour, oh Jimmy. Ouais. Salut Jimmy Hendrix. C'est Jimmy Hendrix. Non, pas Jimmy. Ouais. C'est comment alors? C'est, ben, mon prénom, c'est Hendrix Coupaille. Ah ben voilà, c'est Hendrix Coupaille. Ah oui. Et il a l'oreillette, il vous entend. Il ah entend super. Tout. Salut Hendrix. Hendrix. Bonjour, bonjour à vous. Vous allez bien? Ça va Hendrix? Yeah, un petit son Hendrix avec la guitare. Ah, j'ai pas ma guitare. Aïe, aïe, aïe, bon, guitare. C'est pas grave. Chante un petit bout de pounou. Bon, Hendrix Coupaille. Je suis pas très bon chanteur. Bon, mais c'est pas grave. Au moins, il est star du marché. C'est déjà pas mal. C'est bien. Bon. Hey, il a pas ramené de guitare, mais il a ramené des fraises. Ah. Alors, on s'est lancé dans un débat ce matin avec Hendrix. Oui. Daddy. Ah, mais dis pas ça, hein. On a parlé de fraises parce qu'il existe de nombreuses variétés de fraises, Hendrix. Oui. Ah oui, beaucoup de variétés. Et bon, après, la Garriguette, c'est le plus connu. Ah oui, ouais. La Garriguette, c'est la meilleure, non? C'est l'une des meilleures pour moi. Ouais. Pas la meilleure, je dirais. Pourquoi vous direz, pourquoi vous dites l'une des meilleures? Parce que la meilleure pour moi, c'est la Mara des Bois, les fraises à grand-mère. Ah, pourquoi vous appelez ça les fraises à grand-mère? Oui, la Mara des Bois. Ça, où est-ce qu'on peut trouver ça? Ah, ben ça, il faut, ça pousse dans le jardin, comme ça. Ah, c'est les petites fraises qu'on trouvait avant. Ah, on les cultive pas, ça, non. Ouais. Ok. Après, la Garriguette. Mais moi, c'est les rubigènes. Pourquoi rubigènes? Il en a ramené, là, des rubigènes. Pourquoi? Ben, pour moi, la Réunion, ici, ben, pour moi, c'est la meilleure des variétés. Pourquoi? Et la Camarosa, alors? La Camarosa, elle est bonne aussi, mais je laisserai ça pour les pâtissiers. Elle est plus fragile. Aussi. Beaucoup plus fragile, oui. Ouais. Après, vous avez plusieurs variétés, hein. Ouais. Les agates, la swan, les annabelles. Qu'est-ce qui fait la différence entre les agates et la rubigène, par exemple? Ben, pareil, la différence, c'est que les agates est beaucoup plus pointues et moins rouge que la rubigène. Mmh. Oui, la rubigène, de toute façon, elle est rouge comme un rubis. Ouais. Ben oui. Et après, au niveau goût, ça rubigène. Reste excellent. Hein. Oui. Et pour faire les tartes à la fraise, qu'est-ce que vous nous conseillez? Les rubigènes, ben les Camarosa aussi. Les tartes. La salade de fruits? Salade de fruits, c'est rubigène. Ah oui, les rubigènes pour moi en salade impeccable. Avec de la chantilly. Oh là là. Ah bah ouais, c'est parfait, mais là c'est pas bon à cette heure-ci de nous dire ça là. On a rien. Pour la salade de fruits, vous savez que pour les fraises, vous pouvez y rajouter de la basilic et de la menthe, tout simplement. Et un petit zeste de liqueur. Eh ben on a noté. Impeccable. La recette pour ce week-end. Est-ce que toute fraise même prix, Prisca? Ça coûte combien? Moi, je les vends à 2 euros la barquette. Allez, 2 euros. 15 grammes, oui. Que ce soit la rubigène, la Camarosa ou... Les agates, la swan. Voilà. Et là, bientôt, j'aurai une petite variété aussi, la sultane. Qu'est-ce qui change? Ben, beaucoup plus grosse et ben, elle est beaucoup plus claire. Elle est pas rouge, mais un rouge clair, clair, clair, mais excellent. Et quand est-ce qu'elle va arriver sur les marchés? Dans 2 semaines pour moi. Alors, on aura l'occasion de la déguster. En tout cas, moi, je vais déguster la fraise que vous m'avez donnée, là, dans la main. Vous avez bien de la chance, hein. Allez. Je vais vous donner votre verdict en direct. Ouais, là, je donnerai mon verdict tout à l'heure et puis je vous envoie des photos, les amis, pour ouais, on fait ça. Roule. sur la page. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bisous, salut Hendrix. Bonne journée. Et vous de même. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Et toutes les photos sur la page Facebook de Grand Matin, GRAN apostrophe matin, ou sur la page Facebook de Réunion Première, Prisca qui nous met aussi des petites vidéos en direct comme ça, d'où elle est en ce moment. Comme ça, voilà. Vous verrez la rubigène, l'agate, la soane, la camarosa, pas de soucis. C'est l'heure de jouer. C'est l'heure de jouer. Le numéro, vous le connaissez, 0262 99 2000. Mm-hmm. Eh ben, on vous attend maintenant. Là, ceux et celles qui sont sur la route, attention, vous faites appeler par votre voisin ou votre voisine ou par le kit main libre. Le kit Bluetooth. Oui, le Bluetooth. Parce que le main libre, c'est interdit. Le main libre, c'est fini. Ouais. Donc Bluetooth. Voilà, mais des fois, on comprend Bluetooth, main libre, on confond un peu. Non, c'est pas pareil. Mais c'est pas pareil. Pas de fil, le système dans la voiture. C'est important, oui. Alors en plus, Isa, elle fait professeur. Hein. Oui. Quand elle te dit, la sécurité, c'est important avec Bien Isabelle. Bien sûr que c'est important. 0262 99 2000 pour appeler et pour trouver. C'est ça, les deux extraits qu'a mixé ensemble. Eh bien, notre DJ fou, on écoute ? On écoute, mais pour gagner quoi ? Ah bah pour gagner des invitations pour le concert Enfants Zillois au Petit Stade de l'Est au mois d'octobre, Cassia l'Indigo sur scène. Ça c'est quand même l'énorme concert que Réunion Première vous propose et vous pouvez gagner vos places avant les autres. Allez, on écoute le mixeur. Attends de connaître le méchant bouquin et qu'il surgisse de la scène des volcans. On a le titre dans l'extrait, donc on peut pas faire mieux. Voilà. Ah, il a bien dit là. Ça c'est le premier. Attention. Et ça c'est le deuxième. Le titre. Et le titre est là aussi. Bah oui. Bon, en clair c'est très simple. À vous d'appeler maintenant 0262 99 2000. Allez appelez. Et on y va du côté du standard maintenant. Allô. On est parti. Salut. Bonjour. Qui est au bout du fil avec nous. N'ayez pas peur, bonjour. C'est qui ? Oui, c'est Dolores. Bonjour Dolores. Dolores, comment allez-vous ce matin ? Ça va très bien, merci. Mm-hmm. Très très bien. Dolores, vous faites quoi dans la vie ? Je suis femme au foyer. C'est un beau métier. Oui. Et vous habitez quel endroit, Dolores ? J'habite à Sainte-Rose. Sainte-Rose. Très bien. Oui. Eh bien écoutez, d'accord. À Sainte-Rose, il fait quel temps ce matin ? On va dire que je me suis pas levé encore vraiment pour regarder. Donc je ne sais pas. Je regarde par la fenêtre. Bon, il y a un peu de ciel bleu. C'est déjà pas mal pour Sainte-Rose. Hein, oui, tout à fait. Dolores, la journée sera encore mieux avec un cadeau. Est-ce que vous avez reconnu les deux extraits, les titres des chansons diffusées par notre DJ fou ? Alors, je crois bien. Oui. Alors, on écoute, Dolores. Alors, je crois que c'est Tombé la chemise. Deux Zelda, les Toulousains, oui. Et deuxième. Et j'ai pas bien entendu la deuxième, par contre. Il a dit le. Quand on fait un. Quand on est en fin de relation, on sait pas si on se quitte ou pas, faut réfléchir, on fait le. Non, c'est pas le bon exemple. On fait un break, non, on fait pas de break là. Les comptables, ils font quoi les comptables à la fin ? Des comptables. Ils font des. Le bilan. Oui. Mais le bilan, voilà, c'est ça. Comment c'est vous gagné. Vous êtes débrouillé, Dolores. C'est gagné, bravo. Dolores. Bon, on a essayé. Le bilan, Jackie et Benji, Nenek Marron. Voilà. Effectivement. Voilà, et ça vous permet de repartir avec vos invitations pour le concert Enfants Zillois 7 octobre. Petit Stade de l'Est, sur scène, Cassia, l'Indigo, 3h. 3h de concert. Bravo, c'est Dolores. Pour vous. Dolores, c'était la première fois que vous appeliez. Oui. On vous attendait, Dolores. Ça nous fait plaisir. Bienvenue dans la communauté Grand Matin. Bisous. Merci, bisous à tous. Salut Dolores. Première. 5h54, voici les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Ramachara Roger. Monsieur Ramachara Roger, décès survenu mercredi à l'âge de 76 ans. Le convoi mortuaire sortira du numéro 102, chemin Cannes-Bois de Nefcoco à Saint-Louis, aujourd'hui à 14h. La bénédiction aura lieu en l'église de Saint-Louis à 15h30, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Louis. Décès de Monsieur Bertil Francis Marcel. Monsieur Bertil Francis Marcel. Le décès est survenu hier à l'âge de 83 ans. La veillée a lieu au domicile 1 rue des Lataniers à l'étang Salé-les-Hauts. Le convoi mortuaire sortira aujourd'hui de cette adresse à 15h. La bénédiction aura lieu en l'église Sainte-Dominique à l'étang Salé à 15h30, suivie de l'inhumation au cimetière de l'étang Salé. Décès de Monsieur Borcher Jean-Noël. Monsieur Borcher Jean-Noël, décès survenu le 3 septembre à l'âge de 46 ans. La veillée se tiendra chez ses parents, 23 chemin Borcher au Guillaume-Saint-Paul, à partir de demain, samedi, 16h. La bénédiction aura lieu dimanche, 14h, en l'église du Guillaume-Saint-Paul, suivie de l'inhumation au cimetière du Guillaume-Saint-Paul. Décès de Monsieur Leperlier Gérard Joseph. Monsieur Leperlier Gérard Joseph, décès survenu hier à l'âge de 61 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 8 impasse Victor Bertil à l'étang Salé. Aujourd'hui à 15h, la bénédiction aura lieu en l'église de l'étang Salé à 15h30, suivie de l'inhumation cimetière du même lieu. Décès de Monsieur Fontaine, Paul-Émile. Monsieur Fontaine, Paul-Émile, dit Milo. Le décès survenu mercredi à l'âge de 84 ans. Le convoi mortuaire sortira de la chapelle ardente de l'Entre-deux aujourd'hui à 15h15. La bénédiction aura lieu en l'église de l'Entre-deux à 15h30, suivie de la crémation au centre funéraire du Sud. Réunion Première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Et c'est l'heure des infos pratiques. Oui, on va commencer par un dépistage du diabète gratuit qui aura lieu demain, samedi 10 septembre, au groupe d'habitation des Étoiles situé place Jean Tardieu au port. À l'occasion des bazars en pied d'immeuble de 8h30 à 11h30, il est conseillé de venir à Jeun pour un meilleur dépistage. La paroisse de Petite-Île vous invite à la fête de la Croix Glorieuse sur la colline du Calvaire le mercredi 14 septembre, mercredi prochain à 9h. Accueil, prière du chapelet, messe solennelle à 10h30 et chapelet suivi du chemin de croix à 15h. Le maire de la Plaine des Palmistes informe ses abonnés du secteur du 1er, 2e et 3e village ainsi que le secteur de la Petite Plaine qu'en raison des dernières pluies de la dégradation de la qualité de l'eau, il est conseillé de faire bouillir l'eau pendant au moins 3 minutes avant toute consommation et cette disposition reste valable jusqu'au retour à la normale qui sera transmis par la même voie. Il compte sur la compréhension de tous. Des coupures d'eau à prévoir ou des perturbations, en tout cas, à la Grande Ravine à Saint-Leu, sur les secteurs suivants, rue Haute, RN1, rue Général de Gaulle, Pointe des Châteaux, Chemin des Chocas et les voies adjacentes. Remise en eau qui se fera dès achèvement des travaux, c'est pour aujourd'hui. Perturbations sur le front d'électricité à Saint-Paul, de 8h à 15h. Ça se passe rue El Galopine, rue Surcouf en partie, de la Caverne en partie, Antoine Roussin en partie, et rue de l'Hôpital. Le matin, oui. Vous prenez votre petit déjeuner. Oui, on se lève, on prend le petit déj. Comme ça que ça se passe, non? Ouais. Sauf que, il y a un petit truc en plus. Sauf que, oui. Le petit déj, sans un cadeau, bah, ça n'a pas la même saveur. Oui, c'est pas beau. Et bien, ce qu'on vous offre, oui. Justement, c'est une croisière. Oh. Avant 8h, vous partez avec la personne de votre choix. Sur un catamaran. En mer, en face de Saint-Gilles. Oui. Pendant 3h, ouais. Vous pourrez vous faire bercer par les vagues. Oh. Tout ça vous peut-être pour vous. Au fil de l'eau, c'est mignon. Aussi, pourquoi c'est pas, mignon. Hein. Tout ça pour vous, on envoie une photo de petit déjeuner sur la page Grand Matin Facebook. M. Toro Chameau. Les woke money. Les woke money. Les woke money. Les woke money. Les woke money. Les woke money. Les woke money. Les woke money. Les woke money. Les woke money. Les woke money. Les woke money. Les woke money. Les woke money. Les woke money. Les woke money. Les woke money, les woke money, les woke money, les woke money, wana nyangu les woke money, les woke money, les woke money, les woke money, les woke basi les woke money, ungi ya wasali ya wabinga kiswa ya ser la me, nosoro dam alle wanu wasi di biya basi money, wana nyangu les woke money, les woke money. Les woke money, les woke money, les woke money, les woke money, les woke money, les woke money, les woke money, les woke money, thème taureau, chameau, les rythmes de l'océan Indien. Oh, c'est vous pouvez écouter ici et nulle part ailleurs dans Grand Matin. Bienvenue à tous. Il est 6h. Le journal de la rédaction est présenté par Stéphane Henny-Lorac. Bonjour Stéphane. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. L'université attendait son président depuis de longues semaines. Elle en compte deux depuis hier. Après un accord entre deux candidats, Frédéric Miranville prend la présidence de l'institution et Gilles Lajoie, celle du futur conseil académique. Retour sur cette journée d'élection dès le début de ce journal. Et c'est le monde à l'envers. Il a provoqué la chute de coureurs dimanche sur le Tour cyclisme et c'est bien lui qui va porter plainte aujourd'hui. Jean-Bernard Boyer cible d'une part le coureur qui a fait chuter son fils et d'autre part l'organisateur du Tour. Une ville intelligente et hyper connectée au service de ses habitants. En fin de journal, on vous présente le concept de Smart City. On connaît enfin le successeur de Mohamed Rochdi à la tête de l'université, son nom Frédéric Miranville, minoritaire en juillet dernier lors du premier scrutin. Il a cette fois convaincu le conseil d'administration et obtenu la majorité grâce au soutien de Gilles Lajoie, lui aussi candidat. Un accord entre les deux hommes avait en effet été présenté le matin même de l'élection hier, un accord qui a donc porté ses fruits. Florent Marot a suivi le scrutin sur le campus du Moufia. Il en fallait 19, Frédéric Miranville en a finalement eu 20, 20 voix et le poste de président de l'université. Un dénouement inattendu grâce notamment au ralliement de dernière minute de la liste UR 2020. Une surprise donc pour Jean-Pierre Chabriat, le candidat déçu, mais aussi pour Frédéric Miranville, le vainqueur. Jean-Pierre Chabriat ne s'y attendait pas, Frédéric Miranville non plus. On a privilégié l'intérêt de l'établissement, on a croisé nos compétences. Il y a 20 voix qui se sont prononcées sur mon nom, mais ce nom représente deux personnes, une présidence partagée. Une présidence partagée avec Gilles Lajoie qui sera à la tête du futur conseil académique. Notre île sera seulement la deuxième université en France à y avoir recours. Gilles Lajoie. C'est effectivement une disposition née de la loi Fioraso qui laissait la possibilité aux universités de créer un conseil académique qui chapeaute la commission recherche et la commission des études et de la vie universitaire. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité qu'on y aille ensemble. Deux vainqueurs donc et un déçu, Jean-Pierre Chabriat qui récolte 15 voix et qui ne s'est pas attardé après le vote. Je prends acte de la décision du conseil d'administration qui ne reflète pas démocratiquement le vote de l'ensemble des personnels de l'université. Le défi à relever c'est la Réunion, c'est pas l'université uniquement de la Réunion. L'université a donc enfin un président, Frédéric Miranville, et il doit faire vite. Il a déjà plus de 2 mois de retard. Frédéric Miranville qui prendra ses fonctions ce matin à la tête de l'université. Et dans un communiqué, Didier Robert, sénateur et président de région, félicite le nouveau président de l'université et lui promet tout son soutien. Et félicitations également d'Ibrahim Patel, le président de la CCIR, qui parle d'une impulsion positive et dynamique à l'enseignement supérieur au profit des jeunes et de l'excellence du territoire. Un reportage signé Florent Marot. Eux parlent plutôt d'une impulsion négative pour les collèges. À peine quelques dizaines d'enseignants ont manifesté hier matin devant le rectorat pour demander l'abrogation de la loi de réforme. Ils n'ont finalement obtenu du recteur que la création d'un comité académique de suivi. 5,7%, c'était le taux de grévistes enregistré hier dans l'enseignement secondaire. Après l'éducation, autre priorité du gouvernement, l'emploi. François Hollande a-t-il réussi à inverser la courbe du chômage? Et c'est à cette condition que le président de la République envisage de se présenter pour un nouveau mandat. La Fédération réunionnaise du PS veut y croire et met en avant une amélioration pourtant encore fragile. Et certes, depuis début 2016, le nombre de chômeurs à La Réunion a cessé d'augmenter et a même commencé à baisser. Mais on est loin de pouvoir s'en réjouir, comme le reconnaît Philippe Leconstant, premier secrétaire de la fédération locale du Parti Socialiste. On ne se réjouit pas lorsqu'on a un taux de chômage à La Réunion qui est de 24%, 2,5 fois plus que celui de la métropole. Le chômage est un véritable fléau. On se réjouit quand il y a des améliorations, quand il y a des emplois qui sont créés, quand il y a des milliers de chômeurs qui trouvent un emploi. Depuis un an, le chômage baisse régulièrement à La Réunion. Il baisse chez les jeunes, il baisse dans toutes les catégories, et c'est dû aux mesures prises par le gouvernement qui commencent à faire leur effet, le CICE, le pacte de responsabilité, la banque d'investissement, dont l'objectif était d'améliorer la compétitivité des entreprises, et quand les entreprises sont plus compétitives grâce à l'aide de l'État, à l'action de l'État, elles créent des emplois. Philippe Leconstant, premier secrétaire de la Fédération réunionnaise du PS, au micro de Gaël Le Dantec. L'emploi, il en sera également question avec l'invité de la matinale à 7h15, Gilles Trémont, sous-préfet chargé de la cohésion sociale et de la jeunesse, évoquera notamment au micro de Philippe Dornier les difficultés rencontrées par les personnes illettrées. Cette bonne nouvelle maintenant pour les entreprises réunionnaises localisées dans les zones franches d'activité et les aides fiscales qui devaient progressivement être réduites sont finalement maintenue. Elle concerne trois dispositifs, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises ou CVAE, l'impôt sur les sociétés et la taxe foncière, une décision prise par le Premier ministre Manuel Valls sur sollicitation de la nouvelle ministre des Outre-mer, Erika Baretsch. Justice, il avait été condamné à 3 ans d'emprisonnement en novembre dernier alors que le parquet avait requis 15 ans. Un homme va être jugé en appel aujourd'hui devant les assises pour viol et agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Nous reviendrons plus en détail sur cette affaire dans notre journal de 6h30. Retour à présent sur les événements survenus dimanche dernier au port à l'arrivée de la première étape du Tour cycliste de la Réunion. Accusé d'avoir blessé 2 coureurs en mettant des barrières en travers de la route, le père du coureur Jonathan Boyer contre-attaque. Son avocat va porter plainte contre Enzo Bernard, le coureur qui a provoqué la chute de son fils, mais aussi contre l'organisateur du Tour parce qu'il n'a pas interrompu la course après cet accident. De son côté, Michel Bénard, le directeur de l'organisation, y voit une sorte d'écran de fumée et se dit droit dans ses bottes. Le point sur ses affaires avec Antoine Garnier. Il reconnaît que son client, Jean-Bernard Boyer, n'aurait pas dû mettre ses barrières en travers de la route. Mais le bâtonnier Waraud insiste sur les événements qui l'ont conduit à ce geste fou. Il rappelle que le fils de Jean-Bernard, Jonathan, dont il défend aussi les intérêts, est toujours hospitalisé en soins intensifs suite à l'accident survenu peu de temps avant l'arrivée. Le coureur qui a causé sa chute, Enzo Bernard, a été exclu de la compétition. Cela laisse au bâtonnier l'espoir de le faire condamner. Mais selon lui, il n'est pas le seul responsable. L'avocat accuse Michel Bénard, le directeur de l'organisation du Tour, de blessures involontaires et de mise en danger de la vie d'autrui. La plainte qui doit être déposée à son encontre aujourd'hui ne semble toutefois pas inquiéter le dirigeant sportif. Michel Bénard se demande si ce n'est pas, je cite, « le monde à l'envers » et répète que son équipe a respecté la réglementation et cela sous le contrôle de la Fédération française de cyclisme. Antoine Garnier, le premier accident survenu dimanche a fait aussi, rappelons-le, une victime collatérale, un enfant qui a eu un doigt sectionné par une barrière de sécurité. Et puis sur le plan purement sportif, le Sud-Africain Willie Smith a conservé son maillot jaune hier à l'issue de la 6e étape entre Saint-Pierre et Brapanon. 7e étape cet après-midi entre Brapanon et Sainte-Suzanne, longueur 111 km et départ donné à 12h45. Les sports, c'est aussi du basket ce soir, début de la 2e journée du championnat de pré-national et du handball avec toutes les rencontres de la 4e journée de première division. Et avant de refermer ce journal, connaissez-vous le concept de Smart City? Après l'arrivée de l'ordinateur puis celle d'Internet, voici venir la ville connectée ou Smart City, un concept qui séduit de plus en plus et qui se démocratise. À l'initiative du TCO, le territoire de la côte ouest, un professionnel spécialisé dans les nouvelles technologies est venu partager sa définition de la Smart City à l'espace Tamarun. Et Christophe Barge nous explique en quoi cela consiste. C'est une ville qui se base sur l'intelligence de ses habitants avant tout et qui a décidé d'offrir à ses habitants l'utilisation des nouvelles technologies pour leur offrir de nouveaux services et leur permettre de faire plus d'économies et d'avoir une ville plus propre. Ça va leur apporter d'abord le fait qu'ils vont être plus facilement consultés, que ce soit des citoyens plus engagés. On peut leur demander plus facilement leur avis sur l'urbanisation, sur l'aménagement de la ville. Ça va leur apporter des nouveaux services en termes par exemple d'état civil d'administration. Plutôt que d'aller faire la queue pour avoir son permis de conduire ou sa carte d'identité, on pourra l'avoir demain par des moyens numériques directement sans bouger de chez soi. Ça va leur permettre également de payer par exemple leur cantine directement depuis leur téléphone mobile. Christophe Barge, spécialisé dans les affaires publiques et les nouvelles technologies avec Hubert Debeux. Le tour de l'information dans le monde et en France avec Anne-Charlotte Costabadi, France Info. La nuit doit être bien longue pour les 33 personnes toujours coincées dans des télécabines à plusieurs centaines de mètres du sol dans le massif du Mont Blanc. En tout, 110 personnes étaient bloquées depuis le milieu de l'après-midi dans une douzaine de télécabines entre l'Aiguille du Midi à Chamonix et la Pointe Hellebrunner en Italie après une panne. La plupart ont été élitreillées par les pompiers, 12 descendus. En rappel, les secours devraient reprendre leurs interventions dans la matinée. La Direction Générale de la Sécurité Intérieure est certaine d'avoir déjoué un attentat après l'interpellation de trois femmes dans l'Essonne, dans la soirée à Boussy-Saint-Antoine. C'est en lien avec cette voiture chargée de bonbonnes de gaz et d'essence découverte ce week-end près de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La fille du propriétaire de la voiture, âgée de 19 ans, fait partie des interpellés. Elle était connue par les services de renseignement pour des velléités de départ en Syrie. Les forces de l'ordre l'ont blessée par balle à la cuisse et à la cheville. Elle a attaqué un des policiers à l'arme blanche, dont les jours ne seraient pas en danger. Elle a été hospitalisée, mais entendue. À noter aussi que les deux frères et leur compagne sont toujours en garde à vue. La DGSI a entendu donc ces trois femmes dans la soirée. Elle est persuadée qu'elles allaient passer à l'acte dans la semaine. Une alerte attentat a été lancée dans la journée dans toutes les gares qui desservent la ligne D du RER entre Boussy et la gare de Lyon avant leur interpellation à la sortie d'un appartement. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve parle de femmes donc de 19, 23 et 39 ans radicalisées et fanatisées. Il y aura bien donc une femme à droite pour la primaire de la droite et du centre. Nathalie Kosciusko-Morizet, l'ex numéro 2 du parti Les Républicains, annonce qu'elle a recueilli suffisamment de parrainages pour se présenter. Il y a en tout 13 candidats. La date de limite de dépôt des candidatures, c'est ce vendredi avant l'analyse par la haute autorité d'ici la fin du mois. La terre a encore tremblé cette nuit en Corée du Nord. Un séisme de magnitude 5,3 selon l'Institut géologique a priori américain. A priori, ça n'a rien à voir avec les plaques tectoniques. Ce serait un cinquième essai nucléaire. Très probable en tout cas pour le gouvernement sud-coréen. Le dernier essai nucléaire, c'était au début de l'année. Elle était la première joueuse de tennis mondiale depuis 2013. L'américaine Serena Williams va abandonner sa première place après sa défaite en demi-finale de l'US Open de tennis contre la Tchèque Karolína Plíšková. Elle doit laisser donc sa place à l'Allemande Angélique Kerber. Le numéro 1 mondial, lui, sera face à un Français en demi-finale aujourd'hui, le Serbe Novak Djokovic contre Gaël Monfils, 10e, c'est à 21h. Hier, la paire Pierre Hugerbert, Nicolas Mahut battu en 3-7 par Jamie Murray et Bruno Suarez. En revanche, c'est bon pour Caroline Garcia et Kristina Mladenovic. Et puis en jeu paralympique, une première médaille d'or française pour la judokate déficiente visuelle Sandrine Martinet en moins de 52 kilos. Bon réveil à tous, 6h12 sur la première. Et Mickaël, le soleil va s'imposer au moins jusqu'à lundi. Ouais, ça c'est vraiment la bonne nouvelle très, du très jour. Très bonne nouvelle du jour. Le samedi devrait être un petit peu plus nuageux tout de même, hein, donc demain, mais globalement c'est le soleil qui va être plus important que les nuages. Oui. Bronzé, farniente. La crème déjà. Oui, Isa se la met déjà, hein, oui, sa petite crème. La crème. Oui, bah oui, forcément, on parle de crème solaire. aujourd'hui, le soleil donc, va briller de mille feux. Quelques nuages. Coquin. Quelques nuages. Bah, c'est vous qui remarquez le... Je me mets de la crème. Je... Ouais. Non, mais quoi, bon. Qui notait l'expression. Bon, vendredi, donc aujourd'hui, dans l'Est, des nuages certainement, au lever du jour, mais qui vont se désagréger, puis progressivement, c'est le soleil qui va s'imposer partout. Quelques couches nuageuses aussi sur le nord-ouest de l'île qui vont déborder sur le port ou la possession. Les températures fraîches ce matin, 1 degré seulement à la plaine des Cafres, vont bien remonter cet après-midi pour atteindre 21 degrés à Sillaos. Donc, grosse amplitude entre le matin et l'après-midi et 27-28 degrés sur le littoral Saint-Gillois, là aussi, il y aura une grosse différence par rapport au matin. On va prendre 10 degrés entre le matin et l'après-midi. Du vent qui souffle déjà chez Rénald, 3 bassins. Exactement, merci Rénald pour la précision. Et qui va souffler sur le nord et le sud cet après-midi. On prend des nouvelles du trafic. Bonjour Yves Gruyère. Bonjour Yves. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël, heureux de vous retrouver avec une rue en travaux sur sa première partie, rue Malartic, juste avant la rue Bertin. Attention à ce chantier qui se poursuit en ce moment, bientôt les enrobés. Alors on a remonté les regards, ça veut dire que le chantier va bientôt évoluer. Puis il y a très prochainement la rue des Manguiers qui sera également en travaux, cette rue qui arrive de la rue Ruisseau des Noirs et qui rejoint justement cette rue Malartic. Donc attention avec élargissement là aussi des trottoirs au programme. Les pompiers du Sud n'ont pas chômé entre cet accident qui a dû nécessiter la coupure totale de la 4 voies dans le sens Saint-Pierre-Saint-Louis cette nuit après une perte de contrôle avec un véhicule est parti en feu. Heureusement, on s'en sort sans gravité. Enfin, en tout cas, pour les personnes, il n'y a pas eu de blessés, en tout cas. Et la route a été coupée donc de 12h30 jusqu'à 2h du matin. Et puis ensuite, il y a eu un accident qui s'est produit vers 1h, donc la RN 2001, du côté de Saint-Louis, entre le pont Mathurin et le Gol. Voilà, donc, pas mal, là aussi, sans gravité. Et pas mal d'interventions des pompiers dans la nuit. Prudence ce matin, la circulation plutôt correcte, des ralentissements en haut de viaduc, juste à la sortie de la tranchée couverte. C'est souvent comme ça le vendredi, un petit peu moins de monde. Pour le moment, ça roule correctement aux abords de Saint-Denis. Très bonne route à tous. Merci, va tout à l'heure. Avec Isabelle Waraud et Mickaël Lorrain. Qu'est-ce qui se passe? Ça tape dans ma tête, ça tape dans votre tête, dans la voiture. C'est DJ Fou, je crois qu'il a pris les commandes de l'autre côté. DJ Fou, tu sors, DJ Fou. Ah oui, non, c'est ton pas heure possible. De gloire, c'est avant 6h, pas c'est après. Tout. Après, c'est fini. Fini. C'est pas possible, ça. Retour bon, lundi, toi. Il s'est pas mixé déjà, DJ Fou, on le sait, ça déjà. Enfin bref, bon, oui, on l'a entendu surtout tout à l'heure, qu'il savait pas mixer notre DJ Fou. Bon, qu'est-ce qu'on fera pour la suite? On va gagner des cadeaux. Oui, on va gagner de l'argent. On va gagner 20 euros, exactement. De bons d'achat. Pour aller dépenser chez Espace Fraîcheur. Exact, pour acheter des fruits, des légumes, des fraises, que ce soit l'agate, la gariguette ou la rubigène, vous achèterez ce que vous voudrez. Et puis on va dans quelle ville ce matin pour le marché? On est à Saint-André-Hôté. On est à Saint-André, dans l'Est, et on ira donc encore découvrir la nature dans toute sa splendeur, de nouveaux fruits, de nouveaux légumes, de nouveaux plats. Tous les bazardiers, les personnages incroyables que l'on peut rencontrer sur le marché. On a croisé un Espagnol hier, par exemple. On peut croiser tout et n'importe qui sur le marché le matin. Le marché, effectivement. C'est ça qui est extraordinaire. Ça sera vers 6h20. D'ici là, c'est Graines Semées. Il faut un carton, Métropole. Ouais, c'est nouveau. En ce moment. Timaric. Et on est fiers parce qu'ils sont réunionnais à la base. Bien sûr. Bah oui. C'est sur Première. Bon réveil. Bonne matinée à vous. Timaric il rêve la réunion. Timaric il rêve, les sortes de béton. Timaric il rêve la réunion. Timaric il rêve, les sortes de béton. Timaric il rêve, ni décane la terre, sauf pour faire caillon, pour vivre d'un cœur. Timaric il rêve, ni détaque la langue. Pour nous bon maman, Maloya descend. Timaric qui rêve, il rêve la réunion. Timaric qui rêve, il saute dans le béton. Timaric qui rêve, il rêve la réunion. Timaric qui rêve, il saute dans le béton. Timaric qui rêve, ni décane la terre. Pour nous plante de riz, pour nous plante de grains. Même sans sa maille, pour nous qu'un manger, au lexique nous dit, sans sa fin d'engrais, Timaric il lève, là au bras pondou, Timaric il lève, au son des animaux, Timaric il lève, là au bras pondou, Timaric il lève, au son des animaux. Hop, vous voyez, c'est le coup. Pour qu'il son carreau, t'y piments oiseaux, t'y maric il est, même si les gars pris, même si le soleil là, pour fatigue à l'île, t'y maric il rêve la réunion, t'y maric il rêve, l'issot d'un béton, t'y maric il rêve la réunion, t'y maric il rêve, l'issot d'un béton. C'est le deuxième extrait du nouvel album Hors Sol, Timaric de Graines Semées. Et si vous avez envie de les voir en concert, rendez-vous à soir au Cabardoc à 21h. Sinon, demain samedi au K à Saint-Leu à partir de 20h. Et maintenant, vous faites quoi? 0262 99 2000, c'est le numéro à connaître puisque vous allez gagner 20 euros. De bons d'achat dans les magasins Espace Fraîcheur. Encore. Tout de suite, maintenant, là. De l'argent à vous donner, oui. Là. Allez, les derniers euros de la semaine, là, après on n'en a plus, hein, désolé. Allez, on vous les donne. C'est parti. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. 19h-20h, Claudio dans la case. Petit message à Coucou, vous avez écouté un bon petit morceau, un seul numéro. Je passe un petit message à mon chéri, qui me fait de gros bisous. On a des cadeaux à gagner. Deux gaillards, roule, c'est galé. Vous avez le cinéma ce week-end. Claudio, ma Claudio. Claudio dans la case, du lundi au vendredi, de 19h à 20h, sur Réunion Première. Première. Non mais franchement, qui veut gagner ces 20 euros? Ah bah plein de monde, moi je suis sûr. Plein de monde, mais je me sens pas encore si nombreux que ça sur le standard. Mais si regarde, ça sonne partout, ça éclaire partout là. Ils sont nombreux, mais pas assez encore à mon goût. C'est éclair rouge, eh, c'est éclair vert. Les 20 euros de fruits et de légumes, c'est peut-être pour vous. Je vois qu'il y a des gens de Saint-Jean, de Saint-Denis. On vous les donne. Saint-Pierre. Oui, bah oui, heureusement, parce qu'on est sur l'île de la Réunion quand même. Donc, logiquement, ils sont partout. Hein. Bah, s'ils écoutent sur Internet, là, c'est vrai, par le www, mais comment ils vont faire pour dépenser? Bah, c'est ça. Ah, ils peuvent gagner, donner un moon à la famille. Il vaut mieux appeler depuis la Réunion. C'est ça. Donc 0262 99 2000, continuez d'appeler. On appelle. Et on va faire un petit tour. Attention, on prend la carte. Allez. Et on pointe le doigt sur quelle partie de l'île? Oh, Sainte-Marie, allez. Ah, le nord, alors. Allons, alors. Ouais, vers le nord-est. Oui, cliquez. Allez, on clique, c'est parti. Cliquez, craquez. On y rejoint Bernard qui est bonjour avec nous. Bonjour Bernard. Salut Bernard. Bonjour. Comment ça va Bernard? Bah, il bouge encore. Eh bien, il y a un temps qu'il bouge encore. Alors, Bernard, il travaille dans le transit, enfin le transport, hein. Oui. Enfin, le transit intestinal, hein. Le... Bon, on est bien d'accord. Ça les couillons. Bon, ça va votre transit, Bernard, au fait? Ça va bien ce matin? C'est oui, bon. Ça va. Bon, bah, ami va de bien. La poésie, bonjour. Bon, mon cher Bernard, vous savez ce qui va vous arriver? Un truc bien, un truc quelque bien. Quelque chose de grave, de très grave. Ah bon? Oui. Ah oui. On va vous mettre 20 euros dans la poche. Et vous allez être obligé d'aller acheter des fruits et des légumes. Voilà. Ah ben ça, c'est super. Oh, bah c'est pour vous, mon cher Bernard. Comment se présente cette petite journée-là? Bien? Oui. Le week-end, tranquille. À l'approche du week-end, et on va bien profiter. Ça va mieux, hein, le vendredi, hein. Toujours. Méthode. C'est vrai que bizarrement, quand on a les gens au téléphone le lundi, ils sont tous maf-maf. Tout mou. Et vendredi, ouais. C'est parti. Je vous appellerai lundi, tiens. Ah bah c'est bien pourquoi ça. Pourquoi pas, Bernard. On vous souhaite un bon week-end. Bisous, Bernard. Merci. Salut. Allez, bye. Au revoir. Première. Ah là là. Allez, de Sainte-Marie, on passe à Saint-André dans un instant. Juste après, Justin Timberlake. Can't stop the feeling, Isa. Okay, can't stop baby. The feeling. Ok. Inside my bones, it goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop. Just dance, come on. All matin, vous réveillez avec nous, en tout cas, on espère. Vous rejoignez la communauté Grand Matin sur la page Facebook. Oui. Et on va filer sur le marché après Justin Timberlake et à Saint-André avec Can't Stop the Feeling. Allez, allons-y. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Can't stop the marché forain. Hello, Prisca. Hello, Mrs. Isabelle. Ah. Bah écoutez, nous sommes avec Monsieur Ringard. Monsieur Ringard, vous parlez anglais ou bonjour? Good morning. Good morning. Parfait. Comment il est, Monsieur Ringard? Good afternoon. Ah, comment ça? Il est comme le temps, il est bon. Ah, le temps est bon, mais il est bon. Alors j'essaie de vous mettre l'oreillette. Hop. Coucou, Monsieur Ringard. Salut, Monsieur Ringard. Alors, comment il est? Léla ou même? Chez le plateau, tout le monde, comment il est? Tout le monde est là, tout le monde est bien. Ok, ben, il est correct alors. Correct alors, même? Good morning! Good morning! Oui. Avec l'accent. S'il vous plaît! Hey, vous avez ramené une variété de grenadine banane. Explique banane, c'est quoi ça? Alors, grenadine banane, ça c'est une bonne question. Alors, est-ce que sur le plateau, les autres, tu connais les autres? Du tout! Grenadine, oui. Banane, oui. Mais banane, on connaît. Les deux ensemble. Grenadine aussi, vous ne connaissez pas? Bah si, grenadine, ça, oui. Si, mais bon, les deux ensemble, on ne connaît pas. Les deux ensemble, on ne connaît pas. Donc, me donne une idée. Mmh. La Alors. Banane, quelle forme elle a, la banane? Une forme de banane, c'est allongé, quoi. Voilà, allongé. Mmh. Et la grenadine, elle est grande. Oui. C'est ça. En général. Oui. Ah, et donc. En fait, la banane, enfin, ouais. La grenadine, il est dans la banane. Ah! Le pépin, il est dans la banane, en fait. Ah bon, ouais. Ah bon, les quand pépins même. De la grenadine, il okay. est dans la banane. Mais là, je crois qu'ils sont embrouillés, là. Et ça donne quoi, en fait? Mais ils n'osent pas vous le dire, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Ça donne quoi? Les ronds, les allongés, en fait, les couilles. Je vais répéter. En fait, la chair de la grenadine, ouais. Oui. il est dans la peau de la banane. Oh, voilà. Ok. Voilà. En gros, ça ressemble à un bilimbi, et à l'intérieur, c'est comme un fruit de la passion. D'accord. Ah. Voilà, voilà. Ah ben, c'est plus clair, là, quand même. Et donc, c'est en barquette hein, que vous vendez ça? C'est en barquette de 6, 7 bananes dedans, et il y a pour 2 euros seulement. Et elle n'est pas acide, ça, par rapport à l'autre variété de pastiflore? Si, il y a un petit côté acide. Ouais. Mais c'est ça qui fait son charme. C'est ça qui fait son charme. Il y a le petit côté acide et après, il y a son goût particulier à côté. Il faut goûter, il faut savoir. Et il y aura les images tout à l'heure sur Facebook. Ah bah il y a intérêt. Bon, hein. Nous serons en direct. Ah, on est impatients. Hein. Isabelle m'a posé une question tout à l'heure. Est-ce que vous donnez toujours les sachets, Monsieur Ringand? Ben, on donne toujours. Mmh. Ouais. On donne toujours, mais c'est jusqu'à fin décembre. Normal. Comment vous allez faire après? Ben après, on va faire avec les moyens du bord. Les gens, déjà, ils vont faire dans leur sac. Voilà, leur tente. Ouais, bah oui, leur tente. Voilà. Bah oui. Et après, ben, nous, on va essayer de trouver des sacs bio ou les sacs en papier. Quoi. Bah voilà, comme dans les supermarchés, on ramènera son soubic, son bercel, sa tente. Ben c'est ouais, ça. Pourquoi pas, c'est, le mot de passe. On retourne dans le temps. Hein. Prisca, le mot de passe pour 8h15. Merci, Monsieur Ringard. Merci, Monsieur Ringard. C'est Grenadine banane avec réunion première. Ah, bien noté. Bisous. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. C'est noté, mot de passe 8h15 pour gagner son panier fraîcheur. Grenadine, banane, toutes les photos à voir sur la page Grand Matin ou encore Réunion Première. Louise et Joseph, assis par terre. Oui, mais seulement si vous êtes fatigué. Bon réveil à vous. C'est dans les regards qu'on croise et vous fait presser le pas. C'est voir des visages à nos portes planqués derrière un jetard. C'est dans l'absence d'un sourire qui ne coûterait pas grand chose. C'est comme un clou qu'on enfonce, une violence à petite dose. Ainsi par terre, voir le monde qui défile et l'avoir pour domicile. Qu'un bout de trottoir assis par terre et être obligé de dire merci pour un euro ou même moi. Et être seul à tendre la main. Être le seul à tendre la main. C'est dans les gestes qu'on n'attend plus ou qu'on se refuse de faire. C'est dans nos quotidiens déçus qui nous rendent durer amers. C'est dans ces rien qui disent tout mais qu'on préfère encore taire. Assis par terre. Voir le monde qui défile. Isa. Charmissier. Ok, oh là, c'est bon, on craint, arrête là. Allez. On va sur les routes avec Yves Bouillet. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Yves qui est à la source. Oui, quartier tranquille pour le moment, pas de soucis. La bonne nouvelle, c'est la réfection de la tranchée à la sortie du lavoir. Si vous sortez du boulevard de la Providence, ça a été refait bien comme il faut. Donc la tranchée qui avait été faite suite aux travaux d'enfouissement de réseau, la ligne très haute tension qui passe là, en ce moment les travaux du boulevard sud, d'ailleurs qui ont nécessité toujours la fermeture de la contre-allée de la tranchée, et bien donc ça a été refait proprement. Voilà, donc ça c'est au moins une bonne nouvelle. Dans le quartier, attention, il y a des travaux sur la partie basse de la route de Saint-François à partir de 7h30. C'est fermé dans les deux sens, déviation par la rue Daudet et le boulevard Mondon. Attention à cette contrainte, c'était encore prévu aujourd'hui, mais également au moins lundi, peut-être même mardi. Alors, en ce qui concerne le trafic, bien vous roulez entre 40 et 60 km heure, pas plus, entre la grande rivière Saint-Jean jusqu'à la ravine des Chèvres en ce moment. La deuxième partie pour arriver sur Saint-Denis, c'est plutôt roulant. Pas de souci pour traverser Saint-Denis. Il y a un petit peu de monde juste au giratoire après la caserne Lambert si vous arrivez donc de la route du littoral. Un léger ralentissement vers le pont Pasteur sur la fin du Lancastel en direction du Barachois. Et puis côté ouest, eh bien, on est repassé de l'autre côté de la tranchée cette fois-ci, mais du côté inverse, c'est-à-dire à l'entrée de la tranchée, juste après l'échangeur de Plateau Caillou, pour le début du ralentissement pour descendre sur la route digue de Saint-Paul. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. 6h30 sur la première. C'est l'heure du journal. Cécile Thomas, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Frédéric Miranville est le nouveau président de l'université à La Réunion. Il a été élu hier grâce à l'alliance faite avec Gilles Lajoie, la fin de 2 mois sans tête à l'université. Qui sont les frères Klein? 2 journalistes de Toulouse ont enquêté sur ceux qui sont les voix de Daesh en France, de La Réunion au sud de la France à la Syrie. Jean-Michel et Fabien sont insaisissables. Témoignage de la journaliste Marine Vlaovic dans ce journal. Et puis ils ont reçu leur diplôme hier. Rencontre avec de jeunes responsables opérationnels de la distribution. Formation organisée par un grand groupe de distribution. Reportage à la fin de ce journal. Après un suspense qui aura duré 2 mois, on connaît le nouveau président de l'université de La Réunion. Frédéric Miranville a été élu hier avec 20 voix grâce à l'alliance qu'il a conclue avec Gilles Lajoie. Un accord a été scellé entre les deux hommes le matin même de l'élection. Gilles Lajoie sera à la tête du futur conseil académique. Fini les divisions à l'université. Le nouveau président prône le rassemblement. Frédéric Miranville. On a réussi à dégager, je pense, une majorité solide pour faire en sorte que l'établissement puisse avoir une politique stable. Et il y a eu à un moment donné un principe de réalité, le sens de l'intérêt qui s'est placé au plus haut niveau. Et Gilles Lajoie, ici présent, et son collectif ont souhaité m'accompagner. Je le remercie très sincèrement. C'est cette majorité qui travaillera côte à côte. On a croisé nos projets, on a croisé nos compétences. On souhaite mettre en place un nouveau modèle de fonctionnement dans lequel le rassemblement prime sur la division. Et le grand perdant, c'est Jean-Pierre Chabria, qui a remporté 15 voix hier lors du vote. Il ne cachait pas sa déception. Je prends acte de la décision du conseil d'administration qui ne reflète pas démocratiquement le vote de l'ensemble des personnels de l'université. C'est une répétition du schéma de 2006, mais je souhaite bon vent à l'université, bien évidemment. Et comme je l'ai dit, et ce qui est le plus important dans tout ce qui nous arrive, c'est que la jeunesse réunionnaise soit effectivement dans une université de qualité, avec des diplômes de qualité, parce que le défi à relever, c'est La Réunion, c'est pas l'université uniquement de La Réunion. Jean-Pierre Chabria et Frédéric Miranville, interrogés par Florent Marot dans un communiqué. Didier Robert, sénateur et président de la région, a félicité Frédéric Miranville et lui promet tout son soutien. Éducation, toujours avec la réforme du collège qui ne passe pas pour certains syndicats d'enseignants. Mais hier, la journée de grève n'a pas vraiment mobilisé moins de 6% de grévistes dans les établissements du second degré. Un rassemblement était organisé devant le rectorat hier matin. Écoutez Françoise Dunoguet, secrétaire générale du CAIPER de second degré. Elle ne veut pas de cette réforme. Elle est au micro de Nadine Bachelot. C'est un désastre total, cette réforme. Elle détruit tout ce qui fonctionnait, les européennes, les bilingues, et elle n'apporte aucune solution à ce qui ne fonctionnait pas. Et dans sa philosophie en plus, elle transforme totalement le rôle des enseignants. Elle nous demande de ne plus transmettre des connaissances, elle nous demande d'être des animateurs. Nous sommes recrutés au niveau Master 2, c'est-à-dire Bac plus 5, et on nous demande d'être animateurs. Il n'y a besoin que d'un BAFA, il n'y a pas besoin de recruter des gens avec un Master 2. Françoise Dunoguet, secrétaire générale du CEIPER, second degré, interrogée par Nadine Bachelot. 6h34 sur la première, la suite du journal, Cécile Thomas. Leur nom est associé aux attentats terroristes qui ont touché la France. Les frères Klein sont difficiles à débusquer. Ils sont considérés comme les voix officielles françaises de Daesh. Jean-Michel et Fabien sont d'origine réunionnaise. Ils sont connus à Toulouse, surtout depuis plusieurs mois. Ils figurent parmi les djihadistes les plus recherchés. Les journalistes Marine Vlaovic et Karim Manan ont enquêté durant plusieurs mois à Toulouse, dans des lieux fréquentés par la fratrie ces 15 dernières années. Ils ont rencontré des témoins de la radicalisation des deux frères. Ils ont retracé le parcours des Klein, de l'île de la Réunion à la Syrie, en passant par la Belgique, l'Égypte et le sud de la France. Pour Marine Vlaovic, on ne sait pas tout sur ces deux djihadistes. Il y a encore plusieurs zones d'ombre en ce qui concerne plusieurs personnes qui étaient dans l'entourage des Klein à l'époque, parce qu'il y a quelque chose quand même de particulier, c'est qu'on les présente comme des recruteurs. Mais ils ont un rôle qui est beaucoup plus vicieux que ça, j'ai envie de dire. On a un de nos témoins, et je pense qu'il a trouvé le mot juste, qui les décrit plutôt comme des ambianceurs. C'est-à-dire qu'ils n'avaient peut-être pas forcément la logistique pour emmener les gens ou les faire partir matériellement parlant. Hein, mais ils ont ambiancé, ils ont donné des idées. Ils ont Donc il y a quelques gens qui les ont approchés, qui ont sont sortis. Mais bon, il y a d'autres personnes qui les entouraient, qui avaient un rôle beaucoup plus trouble, notamment en ce qui concerne le recrutement pur et dur. Marine Vlaovic du magazine Boudu, un journal toulousain, répondait à Alain Rosalie. Aux assises, un nouveau dossier de viol et d'agression sexuelle sur mineurs de 15 ans devant la cour aujourd'hui. L'affaire est réexaminée en appel. Le 26 novembre dernier, la cour a prononcé l'acquittement pour des faits de viol, mais condamné l'accusé, le tipeur de la victime, à 3 ans d'emprisonnement pour des agressions sexuelles. L'avocat général avait lui requis une peine de 15 ans de réclusion criminelle. Le parquet a fait appel, Nadine Bachelot. La jeune fille a aujourd'hui 22 ans, mais les faits ont été dénoncés il y a 2 ans. Entre 2007 et 2013, à Saint-Louis, la victime aurait subi des viols répétés et des agressions sexuelles de la part de son tipeur. Les assauts auraient débuté alors qu'elle n'a que 13 ans. L'homme a toujours nié les faits de viol en reconnaissant seulement les agressions sexuelles. Il soutient même que les relations sexuelles avec sa belle-fille étaient non seulement consenties, mais aussi recherchées par elle. Maintiendra-t-il sa version durant son procès ? Selon les experts, la victime aurait été sous l'emprise du trentenaire. Avec une personnalité manipulatrice, il aurait profité de l'état de vulnérabilité de la mère et de la fillette qui avait déjà été violée par son grand-père. Pour la psychologue, le mis en cause a tendance à minimiser les faits. Elle conclut à la nécessité d'une injonction de soins, contrairement au psychiatre. Elle craint en effet un risque de récidive du fait de la non-prise de conscience de la gravité de ses actes et de leur transgression. Nadine Bachelot, le procès débute ce matin. Il y a quelques semaines, on vous avait présenté l'initiative d'un groupe de primeurs à Saint-Pierre qui avait ouvert son centre de formation pour être sûr de trouver du personnel opérationnel et spécialisé, en l'occurrence, dans la vente de fruits et légumes. Et c'est ce que fait depuis des années aux Antilles le groupe Bernard Ayotte en collaboration avec l'école Neoma Business School. Il forme ses futurs managers et les façonne à l'image de son groupe commercial. Depuis l'année dernière, de jeunes réunionnais peuvent également suivre ses formations en alternance. Ils étaient 15 hier à la remise des diplômes de responsable opérationnel de la distribution. Reportage Daniel Dambreville. Des discours et des petits fours pour récompenser la première promo réunionnaise de responsable opérationnel de la distribution. Le groupe Ayotte a fait les choses en grand. Il faut dire que les 14 filles et garçons lauréats seront peut-être les futurs cadres du groupe. Parmi les jeunes promus, Elora Desilles, la jeune femme affiche un parcours sans faute, des études de commerce, un emploi et aujourd'hui, un avenir comme manager. Je dirige le rayon sport collectif du Décathlon de Saint-Pierre. La jeune femme a assumé ses nouvelles responsabilités tout en menant de front, pendant un an, une formation en alternance. Théorie au niveau du management, comment gérer son équipe, tout ce qui est loi donc pour la mise en place des opérations commerciales et aussi toute la connaissance au niveau commerce, au niveau des liens qu'on peut tisser avec une entreprise et son équipe. Le contenu et les objectifs de la formation dispensée ont été adaptés aux exigences du groupe GBH. Et si le groupe investit autant sur ces jeunes, c'est pour compenser un manque. Jennifer Candioga, responsable RH d'une filiale. On les a formés sur un diplôme de Bac plus 3 pour les accompagner en fait sur vraiment leur métier de futur manager, parce qu'aujourd'hui on est vraiment en carence sur ce type de profil. Et puis former ses propres cadres, c'est aussi s'assurer de leur efficacité. Ils sont formés à la culture de l'entreprise, ils sont opérationnels, donc ils peuvent agir tout de suite sur le terrain. 10 nouveaux jeunes réunionnais viennent de démarrer la formation. C'était un reportage de Daniel d'Ambreville. Merci. Je vois Isabelle Loireau, la bouche ouverte. Ah, wow. Comme ouais. Ça. On va vous expliquer pourquoi après. Stupéfaite. Oui. Je veux savoir. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Photo de petit-déj, mais assez particulière quand même. Ma chère Cécile, dans 10 minutes pour les unes de la presse. On vous reprend. À tout de suite. Il est 6h40. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Michael, Isabelle, ciel, tout est belle. Et du bar à choix à la place de l'hôtel de ville de Saint-Pierre, effectivement. Du soleil cette journée, du soleil en perspective. Alors quelques nuages cet après-midi qui vont venir titiller un peu les hauteurs du nord-ouest. Gentiment. Oui, la possession, le port est débordé sur le littoral. Globalement, sur les hauts, sera un petit peu plus nuageux, mais sur le littoral, on gardera une belle impression de beau temps. Ciel bien dégagé, températures fraîches ce matin qui vont bien remonter cet après-midi. On ira jusqu'à 27 degrés dans l'ouest, 21 degrés à Cilaos, et on aura 14 degrés, voire un peu plus même, au volcan, au soleil, le vent qui souffle toujours sur le nord et le sud avec des rafales à 50 km/h du soleil pour samedi, dimanche et lundi, avec un bémol peut-être pour demain. Un peu plus de nuages. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Grand matin avec Isabelle Loireau et Mickaël Laurette. Eh oui, c'est nous ça. Et dans cette nouvelle heure, encore une fois, vous allez pouvoir poster vos petits-déj. Et on vous disait que Isabelle avait la bouche grande ouverte. Oui, ouais. Parce qu'on a eu un petit-déj assez particulier ce matin. C'est petit-déj, gros-déj, oui. Le petit-déj du boss. Ouais, le boss. On salue le boss qui nous a donc envoyé le petit message. Voilà, vous pouvez voir ça sur notre page Facebook. C'est pas courant. Œufs brouillés, gros piment, jambon de poulet fumé, yaourt, oui. Les cheats et vanille dans un mug boss, de quoi. La Réunion. Waouh! Ça se voit que c'est le boss. Ouais. Quand je pense à notre pauvre boîte de thé avec un paquet de sucre roux. C'est ça. C'est pas tout à fait pareil. Mais bon, vous savez quoi? Mais même chacun, si son petit déj à lui est plus gros, il n'a pas le droit de jouer ni de participer. Non. Bah non, il peut ça pas. Veut dire que tout est ouvert encore pour il vous. Il peut pas. Vous bah appelez, oui. Par contre, vous. Vous appelez. Non, vous appelez pas. On tu va passes, vous appeler. Poste une photo, vous postez une photo sur Facebook, voilà. Page Grand Matin. C'est le même principe comme tous les matins. Oui. GRN apostrophe matin pour poster cette photo. Et puis, après, qu'est-ce qu'on fait? Avant 8h. Peut-être vous partirez en croisière. Et c'est ça, à bord d'un catamaran pendant 3 heures pour une croisière à deux. C'est extraordinaire. Bon, on ne vous demande pas de vous ruiner, vous ne faites pas comme le boss, le boeuf brouillé et tout le reste. Faites ce que vous voulez. Vous pouvez le prendre avec vos collègues, avec vos amis, avec tout le monde, tout ce que vous voulez. Et vous repartez peut-être avec vos cadeaux avant 8 heures. Arrive le litchi, le zambocal quotidien. On parlera des achats en ligne. Ouais, les choses ont un petit peu changé quand on fait ses courses. C'est vrai, et puis à 6h50, les unes de la presse. Et avant 7 heures, l'appel réveil avec Logan Payet qui nous parlera de ce concours Miss Prestige. Ouais, c'est demain. Avec la finale qui aura lieu donc demain à Saint-Leu. On va aller sur les routes. C'est parti. Avec Yves Gruyer, vous êtes du côté du Pont Vinsan. Oui, ça roule encore sur le Pont Vinsan à cette heure-ci. Il commence à se densifier légèrement avant le carrefour Belle-Pierre. La sortie est, la sortie de ce boulevard sud, toujours plutôt roulante. Les tranchées ne posent pas de problème. Vous êtes encore plutôt sans trop de difficultés pour descendre la route de Belle-Pierre en ce moment pour aller rejoindre le centre-ville, notamment en passant par la rue Tourette et retrouver ensuite la rue Roland-Garros. L'entrée ouest de Saint-Denis, d'ailleurs, les ralentissements se situent simplement à hauteur de la caserne Lambert pour le moment. Entrée est, il n'y a pas encore de vraies difficultés. Les ralentissements toujours avant la Ravine des Chèvres, surtout un peu plus vers la Convenance maintenant, et toujours depuis Sainte-Suzanne. Et puis côté ouest, ça n'évolue pas encore, toujours juste avant la tranchée couverte entre l'échangeur de Plateau Caillou et cette tranchée en haute du viaduc du Bernica. Voilà, ça se passe pas trop mal pour le moment. Pourvu que ça dure. Et le litchi, lui, ça dure toute la semaine. Exactement. Du lundi au vendredi. Voilà. Et chaque jour, il met des claques. C'est ça. C'est ça. Oui. Il aime bien mettre des claques. Bon. C'est les envois quelques quotidien. Allez, c'est parti. Bienvenue au 21e siècle, camarades. Fini les files d'attente dans les caisses de supermarchés. Fini la foule, les rayons éclairés au néon, les caissières en graines et les enfants qui courent dans les couloirs après avoir renversé deux œufs. Bienvenue à l'ère d'Internet et des achats en ligne. Pour faire consommer à eau, les supermarchés ont su s'adapter. Zati connaît ou y'aime pas fait commission et qu'on la finit par AS. Aster, où peut commander en ligne ou des achats et nous récupérer directement sans perdre de temps. Nous vivons une époque formidable, Marmaille. Oui, bien sûr, on en a un supplément à payer. J'appelle ça le coût de la paresse, moi. Mais la sensation qu'il procure à eau, il vaut bien quelques euros de plus, non? Oui, la sensation d'être un petit bourgeois, un petit madame des bassins, il laisse un moon faire son commission à sa place. Alors que les gueux, les misérables, le commun des mortels, il fait la masse dans le rayon pour acheter un pack de lait sans glisser sur ben œuf que le ben Marmaille a précédemment renversé à terre. Bon, j'exagère un peu, moi qui déteste l'ambiance des supermarchés, je m'y résoudrai peut-être un jour. Mais uniquement quand j'arrêterai d'acheter des produits de premier prix et marque distributeur. Ben oui, quitte à acheter en ligne, autant que ce ne soit pas des produits discount. M'y vois déjà le Marmaille occupe mon lit commission causée. Il fait l'intéressant commandant en ligne, mais il n'est même pas capable d'acheter ben vraie marque. Donc non, j'attendrai avant de devenir un petit madame des bassins en puissance. Pourtant, il commande à quantité des affaires sur internet. Des livres, des coffrets Blu-ray collector qu'on ne trouve pas ici. Le problème de ces achats en ligne, ce sont les frais de port, trop chers pour la Réunion. D'ailleurs, avant, pour payer moins cher, m'y t'es fait livrer chez un camarade en Hexagone, que t'es ramène à moins ensuite quand il t'est vient en vacances ici. Mais depuis, m'a préféré arrêter, il est trop dangereux. Comme le Marmaille qui fait commission pour The Moon dans le supermarché, l'y jugeait un peu trop que ça m'y t'achète. Alors comme ça, on la commande la collection complète de 50 nuances de gris alors. Inquiète pas, m'y dira pas personne. Enfin, il risque un jour peut-être de chaper d'une conversation, hein. Moralité, tant qu'on n'a pas une clause de confidentialité sur les achats en ligne, vaut mieux ou acheter toutes affaires ou même. Faites gaffe, il a raison le Letchi en plus. On est toujours port. Il y a toujours un peu de vérité dans ce que dit le Letchi, souvent même beaucoup de vérité. On revient dans un instant avec Amir, j'ai cherché, on ne sait pas quoi encore, mais. On ne sait pas s'il trouve pas. Et même. Il arrive, à tout de suite. Du 14 au 16 septembre, Réunion Première vous fera suivre le CRC Tour. Une dizaine d'associations, des stands d'information et de nombreuses animations gratuites à l'occasion des 40 ans des caisses réunionnaises complémentaires. Retrouvez-nous de 10h à 12h dans Les Experts, en direct sur Réunion Première Radio, depuis la place du marché de Saint-André, le mercredi 14 septembre. Et lors d'interventions en direct de 9h à 12h, le jeudi 15 septembre à Saint-Joseph-la-Halle. Et le vendredi 16 septembre, sur la place de la mairie à Saint-Louis. Hé, vous connaissez que depuis le 1er septembre, il y en a moins de ramassage poubelle? Comment ça fait là? Inquiète pas chérie, il suffit de produire moins de déchets et de mieux trier. En plus, les bons pour l'environnement et pour l'avenir de la Réunion. Hé, hey, regarde papa, sur notre calendrier de ramassage, on en a toutes informations. L'est pas compliqué. Pour plus d'infos, appelez le numéro vert au 0800 501 501. Appel gratuit depuis un poste fixe. Rendez-vous sur www.civis.re ou sur Facebook Civis Officiel. Moins de ramassage, plus de tri, plus d'avenir. Profitons-en pour avoir les bons gestes. Citoyens des Outre-mer, vous avez la parole. Le projet de loi Égalité réelle ne se fera pas sans vous. Une consultation participative est lancée. Objectif, vous permettre de prendre part à une démarche qui va engager l'ensemble des Outre-mer pour les 20 prochaines années. Qu'est-ce que l'égalité réelle? Quelles actions peuvent y contribuer? Quelles sont vos idées? Jusqu'au 9 septembre, rendez-vous sur égalité-réelle-outre-mer.fr. Parlez-en autour de vous et ensemble, construisons l'avenir des Outre-mer. Aujourd'hui, c'est Antoine de Cannes qui ne revient pas d'avoir des bons à parier offerts. C'est pas vrai! Oh yes! Yes! Yes! Mais oui, Antoine, pour la rentrée et pendant les jours 100% gagnants, votre bon à parier est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Du 2 au 11 septembre, pour tout quintet plus de 6 euros minimum joué sur la course du jour, PMU vous offre un bon à parier d'une valeur de 2, 4 ou 10 euros valable sur le quintet plus du lendemain. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Première. À suivre les unes de la presse. Et puis juste avant 7h, l'appel réveil avec Logan Payette. On va parler de beauté. De beauté. De grandes robes. Encore des miss. Artistique. Toujours des miss. Oui. Allez, on va vous faire rêver. Juste après Amir. J'ai cherché. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dans mes You're the one that's making me strong. I've been looking for you, like the melody. désinvolture. C'est quand on n'y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. Allez tous en cœur. Il déconne. Le youhou. Alors. Quand même. Attends. Allez, un petit dernier. Youhou. Allez, c'est bon, ça suffit. Amir, j'ai cherché. 6h51 dans toute la Réunion. Voici les unes de la presse avec Cécile Thomas. On va commencer avec le quotidien et des gendarmes pour faire respecter les interdictions de baignade. En cas de risque requin et de flammes rouges, des gendarmes seront en renfort, écrit le quotidien. À Bérive, une femme décède dans l'incendie de sa maison. À Saint-André, décès suspect d'un nourrisson. Présidence de l'université, l'arbitre gagne le match. C'est Frédéric Miranville qui a été élu hier. Et puis 40 ans avec le quotidien, UNESCO en 2010, la Réunion, la classe mondiale. Le syndrome d'alcoolisation fœtale en une du journal de Lille. Avec ce titre, des jeunes malades en prison, dans le cadre d'un projet pilote en France, la justice réunionnaise se penche sur le problème délinquance et alcoolisation fœtale, un lien encore méconnu, écrit le GIR. À Saint-André, la mort de suspecte d'un bébé, les parents et une tatie en garde à vue. Crise requin, les gendarmes en jet ski, s'interroge le journal. Et puis Université Miranville et la joie aux commandes. L'illettrisme en une d'aujourd'hui en France. La France, mauvais élève, titre le journal. Encore 7% des Français sont incapables de lire et d'écrire un texte simple. Ce pourcentage alarmant, deux fois plus élevé qu'en Allemagne, s'explique par une défaillance grave de notre système scolaire, écrit le journal. Autre titre présidentiel, François Hollande parle déjà comme un candidat. Le président également en une du Figaro. Hollande veut imposer sa candidature à la gauche, écrit le Figaro. Au plus bas dans les sondages, le chef de l'État a prononcé hier un discours offensif aux airs de meeting électoral, ne laissant guère subsister le doute quant à ses ambitions pour 2017. Autre titre avec une photo très célèbre. Capa a-t-il mis en scène sa célèbre photo de la guerre d'Espagne ? Après 7 ans de recherche, un professeur affirme aujourd'hui que la mort d'un soldat républicain, le cliché de Capa, est un montage. Selon lui, il aurait fait passer un modèle pour ne pas rentrer les mains vides. La Grèce en une du journal Le Monde. Tsipras, il est temps que l'Europe donne un signal de sortie de crise. Dans un entretien au Monde, le Premier ministre grec s'exprime sur l'avenir de l'Union européenne. Alexis Tsipras souhaite que les pays du Sud fassent entendre leur voix face à l'Allemagne. Autre titre, à ONI, la piste d'une attaque djihadiste concertée en prison. Des attentats étaient en préparation à Paris, info retenue par Libération ce matin. Des bonbonnes de gaz avaient été découvertes dans une voiture. L'enquête a mené les policiers à 3 femmes qui ont été interpellées hier dans l'Essonne. L'une d'elles a été touchée par balle. Un policier a été blessé à l'arme blanche. Elle préparait des actions imminentes, selon Bernard Cazeneuve. Allez, on passe au sport. Gaël Monfils en une de l'équipe ce avec matin. Ce cri de guerre que pousse le journal en titre à l'attaque. À l'US Open, Gaël Monfils devra battre Novak Djokovic, rien que ça, pour aller en finale du tournoi américain. L'autre demi-finale opposera Nishikori à Stan Wawrinka. Aux Jeux Paralympiques, le sacre de Sandrine Martinet, première médaille d'or, c'est en judo pour les Français à Rio. Cocorico, merci Cécile. 7h pour la suite avec l'information. Stéphane et Nilorac. Ça va Cécile? Cécile, elle marche pas bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est le sport, elle fait du sport bah oui, depuis lundi. Elle a démarré son challenge sport, oui. Elle. On dirait ça fait mal. Isabelle, ça t'as démarré? Bien sûr. Pascal, t'as démarré aux manettes? Non. Von Main, il a démarré. Bah, le sport, ça fait longtemps qu'il en fait. Tous les jours, lui, le sport. Bah, il est même bien classé au tennis, hein, ce monsieur. Ouais. Hein. Fortiche, tennis, hein. Course à pied. Champion, champion, notre Von Main en tennis. Allez. Hein. Attention, il est timide, mais il le dit pas trop fort. Mais il est là. Il est là. Bon, et puis il y en a qui sont championnes de beauté aussi. Oh, c'est bien la beauté. Oui. Il y a un sacré embouteillage sur le marché des Miss. Hein. Miss Earth, Miss National, Miss Chouchou, Miss Goyavier. Miss toutes. Oui. Et Miss Prestige Réunion. Bien sûr. Aussi, avec nous, Logan Payette ce matin. Bonjour, bonjour Logan. Bonjour Logan. Bonjour Mickaël, bonjour madame. Isabelle. Voilà. Demain, c'est la finale à 20h à Saint-Leu. Alors, tout d'abord, je tenais à vous remercier de m'avoir invité pour l'interview. Mais sans problème. Ce matin, j'accueille mes invités de prestige, la présidente nationale Christiane Lilliot. Qui était Miss France 68. Voilà. et Miss Prestige National 2016, Émilie Secret, qui arrive dans l'île ce matin par le vol Corsair, bien sûr. Oui, bah bien sûr, merci pour la marque, Logan. Alors, ça, on aurait pu éviter. Bon, alors, Émilie Secret, c'est son vrai nom ? Oui, oui. Alors, elle était Miss Picardie 2015. Elle était sacrée Miss Prestige National 2016 en janvier dernier. Alors... en Alsace. Alors, pour beaucoup, hein, Miss Prestige, on ne connaît pas forcément. Demain, c'est la finale. C'est la finale à 20h à Saint-Leu, Logan. Et je voudrais savoir, en fait, juste, qu'est-ce qui diffère Miss Prestige, quelle est la différence entre Miss Prestige et d'autres... Alors, nous avons des vraies valeurs. Action Miss, hein. Oui. La différence, je ne dis pas la différence, c'est que nous, on a gardé des vraies valeurs. Oui. Moi, je parle, j'ai repris ce concours depuis en 2013. Ouais. Moi, c'est la quatrième réunionnaise que j'envoie en métropole représenter la Réunion sur une chaîne nationale. Mm-hmm. Et qui termine à chaque fois dans le top 5. Pour la Réunion, c'est quand même très valorisant, tout en sachant que, vous savez, plus qu'on parlera de la Réunion, plus on sera connu. Après, que ce soit dans un concours de beauté, que ce soit dans un match de football, que ce soit dans un match de handball, moi, pour moi, c'est la valorisation de mon île. Ah, vous êtes bien réveillé, en tout cas, Logan, hein, ça s'entend. Ça s'entend. C'est pas, s'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'animosité ou autre. Voilà. Moi, je suis plus pour la valorisation de la jeunesse. C'est bien raison. Rayonnaise. Je suis pour la valorisation de la femme. Être une vente du rêve. Mmh. Et c'est mon rôle de les coacher pendant toutes ces préparations. Ben, alors, Logan, justement, il y a une grosse préparation pour les demoiselles pour demain. 3 mois de travail. Il y aura des plateaux. Comment ça va se passer la soirée? Alors, demain, j'aurai quand même un plateau artistique avec des artistes locaux. Mmh. Et bien sûr, ils vont interpréter 5 tableaux. D'accord. Tout en sachant que moi, toute cette année, en début d'année, j'ai mis des élections communaux en place. Ce ne sont pas un casting, ce sont des filles qui étaient élues dans leur commune. D'accord. Très bien. Et qui vont représenter leur commune sur la finale Miss Prestige. Si on a bien compris, Miss Prestige Réunion, la suite, c'est Miss Prestige National. Voilà. L'année prochaine, c'est ça ? Non, elle part en janvier, oui. Voilà. Oui, oui. Dès janvier, elle partira parce que la finale se fait à Bordeaux cette année. Mm-hmm. C'est un super cabaret. Mm-hmm. Et elle part du 6 janvier au 14 janvier. Et la dernière, c'était Priscilla Sandénon. Priscilla Sandénon, qui a terminé quand même 4e dauphine de Miss Prestige National. Ah, ça, c'est bien. Candidate. Et je voulais aussi souligner que Miss Prestige, c'est quand même un concours... entier, c'est un concours qui valorise l'île de la Réunion, c'est un concours qui valorise la jeune et compris. Ça, on a bien compris. C'est un vrai concours. Le maître de cérémonie sera Maroni, Miss Prestige Réunion, demain la finale à Saint-Leu. Et la marraine de cette édition 2016, c'est une artiste qui s'appelle Tessa. Et c'était ça la grande marraine de cette édition. C'est noté, c'est à Stella Matutina demain. Je vous attends tous à Stella Matutina. C'est gentil, ça. On reviendra. En tout cas, vous avez de l'énergie, Logan, dès le matin. Vous êtes plus réveillé que nous. Voilà, merci beaucoup à vous. Salut Logan. Interviewé. Mais rien, merci à vous, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Ah, je crois que je vais me mettre au sport parce que le matin, l'interview, c'est percutant. Hein. Allez, on file sur les hippodromes et notamment celui de Vincennes. Tiens, c'est Quartier Quintet Plus aujourd'hui. Oui, ce soir, le Quintet va se courir à 23h35, Priya des Linda. Voici les pronostics de Pascal Maillot. Il vous conseille le 13, le 16, le 3, le 11, le 7, le 5, le 9 et le 14. 13, 16, 3, 11, 7, 5, 9, 14. En cas de non partant, le 8, absolue vérité. Rendez-vous ce soir pour votre Quintet à Vincennes, 23h35. Et n'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir, jouons. Responsable. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Vous êtes rue du Pont à Saint-Denis. Oui, avec le coup de temps et coup de gueule de commerçants qui avait été réalisé il n'y a pas très très longtemps. Donc ici, rue du Pont, avec le mode de circulation pour les travaux qui se font sur le pont de la Délivrance au-dessus de la rivière Saint-Denis, ont permis de changer le mode de circulation. Donc durant ces travaux, ce n'est plus ouvert dans un sens en fonction des heures, mais plutôt une circulation réglée par alternat avec feu tricolore. Donc, ça fonctionne bien, donc toutes les minutes, vous patientez de chaque côté, donc ça se passe plutôt correctement. Voilà, la circulation ralentie, et attention, virage du gouffre, il y a le soleil qui a fait son apparition en sortie de cette route du littoral. Alors après, il y a des zones roulantes pour arriver jusqu'à la caserne, mais donc il y a quelques coups de frein avant ce virage. La circulation ralentit toujours 100 mètres avant la tranchée couverte de plateau caillou, donc ça se passe pas trop mal là-bas. Côté entrée est, c'est jusqu'au plateau de la Mare que les ralentissements se font en provenance de Sainte-Suzanne et Sainte-Marie.

Frédéric Miranville, nouveau président de l'Université de la Réunion. Il a été élu hier avec 20 voix contre 15 pour Jean-Pierre Chabria, son principal concurrent. Le troisième candidat, Gilles Lajoie, s'est en effet rallié au vainqueur du jour. Il sera à la tête du futur conseil académique et à deux pas de là, devant le rectorat, une manifestation pour demander l'abrogation de la loi de réforme du collège. Une grève peu suivie à la Réunion, seulement 5,7% des enseignants du second degré y ont pris part. Les entreprises réunionnaises localisées dans les zones franches d'activité, elles, ont été entendues sur proposition d'Erika Baretsch. La nouvelle ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a décidé hier de maintenir les aides fiscales. Cela concerne la taxe foncière, l'impôt sur les sociétés et la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, ou CVAE. Aujourd'hui, le 9 septembre, c'est la journée mondiale du syndrome d'alcoolisation fœtale. On en parle dans notre édition de 7h30. C'est aussi la deuxième journée européenne du recyclage des piles, une opération de sensibilisation qui revêt d'autant plus d'intérêt que notre île figure parmi les régions qui collectent le moins. Selon une enquête nationale, sur 100 piles, 25 sont jetées et 40 sont recyclées, et ce n'est pas suffisant, Nadine Bachelot. Relevons le défi du recyclage, c'est le thème de cette deuxième édition. Cette année, plus que jamais, la collecte des piles et de batteries portables usagées est primordiale puisque le taux national de collecte était de 40% en 2015 et que l'objectif de la directive européenne est d'atteindre 45% cette année. Le but du recyclage, éviter tout risque de pollution et recycler jusqu'à 80% les métaux contenus pour les réutiliser dans des piles neuves ou dans l'industriel. Il faut savoir que près d'un 1 milliard de piles sont vendues chaque année. Chaque Français utilise en moyenne 20 piles par an et ils en recyclent 8. L'idéal serait d'arriver à 10 piles par an. C'est un véritable enjeu de développement durable. Pour cela, il est important de sensibiliser les consommateurs à l'intérêt et à la nécessité du tri sélectif et du recyclage dans la diminution du volume des déchets ménagers, la réduction du niveau de pollution et surtout la valorisation des métaux. Nadine Bachelot. Et dans le même esprit, les invendus des boulangeries Paul de Piton-Saint-Leu et de Saint-Denis seront désormais offerts aux plus démunis. Hier, l'enseigne a signé une convention avec la Croix-Rouge et une association saint-pauloise. Et ces invendus viendront désormais améliorer le contenu de leurs colis alimentaires. Et Christian Agéry, responsable logistique des boulangeries Paul, nous dit pourquoi son entreprise a voulu prendre une telle initiative. Nous avons tous les jours des invendus et l'idée c'est d'arrêter le gaspillage de ces invendus et de le redistribuer aux personnes qui en ont besoin. C'est très variable évidemment, hein, puisque mais je dirais que en moyenne ça va être entre 30 et une cinquantaine de produits tout confondu, sachant que c'est très variable, hein. Il y a des fois nous n'avons pas d'invendus, ça peut arriver, et d'autres fois on en a beaucoup plus. Je pense qu'il est quand même important aussi d'apporter quand même des produits de qualité au niveau peut-être nutritif aussi pour les personnes qui en ont besoin. Christian Agéry, responsable logistique chez Paul, répondait à Pierre Komorasamy. C'est la fin de cette édition. Suite des actualités avec France Info et Anne-Charlotte Costabadi. On commence avec cette intervention antiterroriste hier en Essonne. Trois femmes interpellées, entendues par la Direction générale de la Sécurité intérieure dans la soirée. Parmi elles, la fille du propriétaire de la voiture retrouvée près de Notre-Dame de Paris ce week-end. Celle remplie de bonbonnes de gaz et d'essence. Âgée de 19 ans, elle était connue des services de renseignement pour des velléités de départ en série. Elle a blessé un policier à l'arme blanche au moment de son interpellation dans l'Essonne à Boussy-Saint-Antoine. Les forces de l'ordre lui ont tiré dessus et l'ont blessée. Deux femmes de 23 et 39 ans étaient avec elle au moment donc de l'interpellation, et à noter deux frères et leurs compagnes sont toujours en garde à vue dans cette affaire. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a lui fait un point sur l'affaire hier soir. Il s'agit selon lui, je cite, de femmes radicalisées, fanatisées, qui préparaient vraisemblablement de nouvelles actions violentes et imminentes. Une alerte attentat a d'ailleurs été lancée dans les gares entre celle donc de Boussy et la gare de Lyon avant leur interpellation alors qu'elles sortaient d'un appartement. Il avait attaqué et poignardé deux surveillants de prison à la maison donc d'arrêt de Dozny ce week-end Seine-et-Marne, dans le Val-d'Oise. Le détenu, finalement, est mis en examen pour tentative d'assassinat terroriste et association de malfaiteurs terroristes. L'homme était incarcéré dans l'unité de prévention de radicalisation de la maison d'arrêt de Nice. Après avoir tenté de rejoindre la Syrie, il sera changé de prison. Passer la nuit en hauteur, ça peut en faire rêver certains, mais eux s'en seraient sûrement bien passés. 33 personnes toujours bloquées dans des télécabines dans le massif du Mont-Blanc, entre l'Aiguille du Midi à Chamonix et la pointe Hellbrunner en Italie à 3500 mètres d'altitude. En tout, 110 personnes étaient coincées depuis le milieu de l'après-midi après une panne. Il a fallu les élitreuiller pour la plupart, 12 descendus en rappel. Des secouristes, eux, ont été élitreuillés dans des cabines où il reste des personnes coincées pour passer la nuit avec elles. Les secours devraient reprendre les interventions dans la matinée. La Corée du Nord suspectée d'avoir mené un cinquième essai nucléaire cette nuit, le plus puissant jamais mené selon la Corée du Sud. Un séisme de magnitude 5,3 a été détecté par l'Institut géologique américain. C'est le jour anniversaire de la fondation de la Corée du Nord en 1948. Au Gabon, l'opposant Jean Ping va finalement poser un recours devant la Cour constitutionnelle après les résultats de la réélection du président Ali Bongo. Résultat et taux de participation suspect qui avait déclenché des violences dans le pays et suscité le scepticisme au sein de la communauté internationale. C'était la première joueuse de tennis mondiale depuis 2013. L'américaine Serena Williams va devoir laisser sa place à l'allemande Angélique Kerber après sa défaite en demi-finale de l'US Open contre la tchèque Karolína Plíšková. Côté français, à l'US Open, la paire Pierre Hugerbert, Nicolas Mahut battu en 3-7 par Jimmy Murray et Bruno Suarez. Et ça passe par contre en demi-finale pour Caroline Garcia et Kristina Mladenovic. 7h11. Oh, belle journée en perspective, Michael. Oui, de l'Ermitage en passant par Saint-Denis jusqu'au Piton Sainte-Rose, vous aurez certainement du soleil aujourd'hui, même si quelques nuages pourraient s'attarder sur le flanc est du volcan et le volcan lui-même. Partout ailleurs, le ciel dégagé sur les plus hauts sommets cet après-midi, y compris le volcan, des nuages qui vont s'installer quand même sur les hauteurs et dans les cirques, ainsi que dans les plaines, des hauteurs du nord-ouest qui seront un peu plus sous la grisaille, le port, la possession, toutes ces hauts de l'île et débordements possibles sur la route en corniche et sur le littoral, donc dans ce secteur nord-ouest, partout ailleurs. L'impression de beau temps va dominer avec du vent qui va souffler à 60 km/h sur Saint-Pierre et Saint-Denis et les températures qui vont remonter par rapport à ce matin. On attend 27-28 degrés dans l'ouest, 21 degrés à Sillaos et 17 degrés au volcan. Et vous êtes à l'échangeur du chaudron. Ouais, ça commence à ralentir au virage de la Jamaïque, mais il y a encore une zone roulante entre Gilo et ce virage. Pour le moment, en tout cas, ça va plus trop durer. Donc, avant que tout ça se remplisse, c'est dans la courbe de l'échangeur de la Marine que démarrent maintenant les ralentissements en provenance de Saint-André. Donc, tout ce tronçon de la partie basse de la montée de Bel-Air de Sainte-Suzanne et jusqu'à Sainte-Marie et donc jusqu'au plateau de la Mare et du parc Gilo. Voilà, tout ça, c'est chargé. Côté ouest, les deux tranchées du boulevard sud, donc, ralentis. Le Provinsane également. Le Lancaster, ça roule encore à peu près. La zone perturbée, celle qui provoque ces bouchons depuis la rentrée, eh bien, ce sont la zone des trois feux du pont de Patata-Durand, donc secteur des deux canons. Voilà, donc c'est eux qui sont à l'origine de ces embouteillages matinaux. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas, mais ça va pas tarder. L'entrée ouest donc, de Saint-Denis, ça ralentit avant la Grande Chaloupe, vous qui arrivez sur la route du littoral. Et pas de changement pour l'ouest, avec ces ralentissements toujours à hauteur de l'entrée de la tranchée couverte de Saint-Paul. Attention, ça coince à Boucan maintenant, pas encore tout à fait à grand fond, mais il y a plus de monde pour passer le cap Laousset. Pour le moment, dans le sud, la circulation relativement correcte, notamment la descente du tampon. Eh ben, on va tranquillement passer cette journée avec vous hein, sur toute la sur le réseau routier. Tout le réseau routier, toute la matinée, voilà, toute l'après-midi. Bien prudent. Hein. Bien sûr, ouais. Forcément, c'est important. Dans un instant, sera l'invité de Grand Matin. Mm-hmm. L'invité est Gilles Trémont, le sous-préfet chargé de la cohésion sociale et de la jeunesse. 8h, 10h, la Coljac avec Jackie Revel. À l'émission des Sinous de Terroir, Sacnouyem. Ah, ben là, on est devant ma roue salade. Chicken like, on les confit, donne piment, les bons. Radio Ménage. Vous avez vu comment la voix signifie dans le terre. Partagez vos croyances et légendes. Les gens y parlaient avant, maintenant est-ce que les vrais et pas vrais. La Coljac avec Jackie Revel, du lundi au vendredi, de 8h à 10h sur Réunion Première. Thierry, allons à la plage avec nous demain. Ah désolé, je ne peux pas, je dois aller à la CGSS pour aller récupérer mon attestation de carte vitale. Pas besoin de te déplacer, crée ton compte Amélie et utilise leur service sur amélie.fr. Tu peux imprimer ton attestation de droit, contacter l'assurance maladie par mail, demander ta carte européenne et même télécharger l'appli Amélie. Facile, pratique, plus d'excuses, nous attend à où ? Pensez au compte Amélie, votre espace personnel qui vous rend bien des services. L'assurance maladie. Aujourd'hui, c'est Antoine de Cannes qui ne revient pas d'avoir des bons à parier offerts. C'est pas vrai! Oh yes! Yes! Yes! Mais oui, Antoine, pour la rentrée, pendant les jours 100% gagnants, votre bon à parier est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Du 2 au 11 septembre, pour tout quintet plus de 6 euros minimum joué sur la course du jour, PMU vous offre un bon à parier d'une valeur de 2, 4 ou 10 euros, valable sur le quintet plus du lendemain. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appel le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Et chaque matin, vous nous suivez sur votre radio et sur internet, réunion.lapremière.fr. Il est 7h15, c'est l'invité de Grand Matin avec Philippe Dornier. Bonjour Philippe. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Et ce matin, vous recevez Gilles Trémont, sous-préfet chargé de la cohésion sociale et de la jeunesse. Gilles Trémont, bonjour. Bonjour. On va parler avec vous de l'illettrisme. Les journées nationales d'action contre ce fléau ont lieu cette semaine. 116 000 personnes concernées à La Réunion, un nombre qui ne change pas depuis plusieurs années. Ça veut dire que les dispositifs ne sont pas efficaces ? Alors tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir sur votre antenne. Ça fait peu de temps que je suis à La Réunion, j'ai pris connaissance des chiffres et je me penche sur ce dossier déjà. Vous avez raison, les chiffres bougent pas depuis en gros 2000, les années 2000. Faut savoir quand même que sur La Réunion, on est parti de très très loin. J'ai trouvé des chiffres qui disaient qu'en 1954, alors c'est très vieux effectivement, mais on était à 62% de personnes, 62% des personnes de l'île étaient analphabètes ou illettrées. On a réussi à réduire ça jusque dans les années, fin des années 80 à 24%, et c'est vrai qu'ensuite, il y a une espèce de plateau. Qui est à 14% à peu près. Voilà, c'est ça à peu près. Contre 3-4% en métropole, c'est ça ? On est aujourd'hui exactement plutôt à 22% de personnes en situation d'illettrisme, contre 7, en gros 3 fois moins en métropole. Comment on explique ce décalage et qu'on n'arrive pas à combler ce retard, ce qui a été fait par exemple pour le bac ? Ben, comme je vous l'ai dit, on est parti très très loin à La Réunion, de beaucoup plus loin qu'en métropole, où on était déjà, dans les années 50 ou 60, on avait déjà jugulé plus ou moins l'illettrisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a aujourd'hui, il faut s'attacher aussi aux signaux qui sont positifs à La Réunion. La Réunion, c'est vrai, a des handicaps, mais a aussi des atouts. On a, vous l'avez vu l'autre fois, les chiffres du RSMA disent qu'on a quand même une baisse de l'illettrisme chez les 18-25 ans. On a aussi des signes positifs dans la création de gens illettrés. Je m'explique. L'illettrisme est produit souvent par le décrochage scolaire, par exemple. Des gens qui sont scolarisés peu de temps dans leur vie, qui quittent l'école assez tôt. Et l'illettrisme ensuite se développe. Et on a une baisse de la lutte, du nombre de décrocheurs scolaires qu'on constate depuis quelques années. Et c'est aussi un dossier sur lequel on a à lutter. L'illettrisme, il peut avoir différentes formes, difficultés de lecture, absolument, de calcul, ouais, du mal à comprendre ce qui est demandé aussi. Oui. C'est quoi les situations les plus fréquentes finalement ? Ben, vous le dites très bien, l'illettrisme recouvre plusieurs formes. On a tous, j'allais dire, presque une part d'illettrisme en nous, à des degrés divers, mais en fait, beaucoup de gens ont des situations d'illettrisme. Lorsqu'on se retrouve en difficulté quand on doit remplir un formulaire, lorsqu'on se retrouve en difficulté lorsqu'on doit lire une notice ou comprendre quelque chose, un document professionnel aussi. Il ne faut pas oublier qu'on a des gens qui sont en situation professionnelle, qui souffrent d'illettrisme. Je peux en parler tout à l'heure aussi. Donc, dans ces cas-là, on a effectivement un problème. On a un handicap, il ne faut pas avoir peur de le dire. Par contre, ce qui est important, c'est que c'est un handicap réversible, ce qui n'est pas le cas des autres handicaps. Et il faut vraiment que les gens, si j'ai un message à passer, si les gens nous entendent et se retrouvent eux-mêmes des fois un peu en difficulté, d'abord, il ne faut pas les culpabiliser. Ce n'est pas une tare, ce n'est pas une faute. Ça peut arriver. Ça arrive, et par contre, on a les moyens, on a beaucoup de gens ici sur l'île. Alors, il y a les pouvoirs publics, évidemment, qui mettent en place des outils pour lutter contre l'illettrisme. Il faut s'en servir, il faut savoir frapper à toutes les portes, il ne faut pas avoir honte ni peur de dire qu'on a des difficultés et qu'on voudrait se remettre un petit peu à niveau. Mais imaginons, j'ai de grosses difficultés de lecture, pas de boulot, justement, vers qui je peux me tourner pour m'aider ? Alors, vous avez, ben, alors le sous-préfet de la cohésion sociale que je suis évidemment, mais encore une fois c'est un travail collectif. Vous avez la région qui a beaucoup de programmes de lutte contre l'illettrisme avec des projets très très intéressants qui se sont développés sur la Réunion et qui d'ailleurs commencent à faire école en métropole, par exemple les Casalire, qui sont dispatchés un petit peu partout dans l'île. C'est mené par des associations qui ramènent à des savoirs de base de lecture et d'écriture par le biais d'activités traditionnelles. On peut citer par exemple quelque chose qui m'a surpris en arrivant ici, mais autour du tressage du vacoa, vous voyez, dans une certaine partie certaine région de l'île. Les casalires. On ramène comme ça les gens à des savoirs, de savoir compter, savoir lire, etc. Et c'est pas scolaire, c'est-à-dire qu'on remet pas les gens devant un cahier et à leur faire faire une dictée. On prend l'exemple d'une activité traditionnelle pour lire, écrire et comprendre l'environnement. Donc les casaliens, elles ne servent pas forcément à apprendre à lire. C'est Nassima Dindar qui a dit ça. Elle a dit que ce n'était pas leur rôle lors de la dernière commission permanente de la région. Ce serait davantage un but de socialisation. Comment vous voyez les choses? C'est les deux. Ça va ensemble. L'illettrisme est une cause de désocialisation. C'est-à-dire que l'illettrisme est la cause d'un rejet. J'allais dire... L'illettrisme est une cause nationale et doit l'être parce qu'elle remet en cause les deux premiers mots de notre devise, liberté, égalité. Lorsqu'on est illettré, on s'exclut un petit peu d'un certain monde. On n'a pas la même liberté parce qu'on dépend des autres pour comprendre des choses, pour lire, etc. Et puis l'égalité parce que on n'a pas le même accès aux droits. On n'a pas une égalité par rapport aux autres concitoyens. Donc c'est quelque chose d'important. Alors l'illettrisme, effectivement, c'est une question de sociabilisation, mais c'est aussi, je maintiens une question, d'ailleurs ça s'appelle les casalires, c'est aussi remettre les gens avec le goût et la possibilité de se remettre à écrire un peu, à écrire des recettes de cuisine par exemple, c'est tout bête, mais il y a des casalires qui sont axés sur la cuisine. Et bien savoir lire une recette de cuisine, savoir faire des proportions d'ingrédients pour faire la recette, savoir la réécrire, la réinterpréter, ben tout ça, ça a l'air de rien. On parle de sociabilisation, mais aussi on apprend à lire ou à écrire. Utiliser un guichet automatique, pianoter sur un clavier pour rédiger un CV ou encore lire un mail, on voit que le numérique est incontournable aujourd'hui. Est-ce que ça n'éloigne pas encore un peu plus les personnes en difficulté de leurs objectifs, monsieur le sous-préfet? Absolument. Vous avez tout à fait raison. La société évolue et la lutte contre l'illettrisme a d'autres formes aujourd'hui qu'avant. Avant, c'était le simple rapport au livre et à la lecture. Aujourd'hui, vous avez tout à fait raison, l'accès au numérique et le défaut d'accès au numérique peut-être est également un frein d'abord à l'emploi, à la sociabilisation, et rentre aussi dans les critères d'illettrisme. Et pourtant, Pôle emploi a de plus en plus recours au numérique pour oui. Les personnes qui y sont inscrites, une tendance qui ne fait pas l'unanimité, ça on le sait. Est-ce que c'est la bonne solution? C'est une solution qui est dictée par l'organisation de Pôle emploi et pour une meilleure efficience. Si vous prenez Pôle emploi, ils ont en même temps, et quelque part ça lutte aussi contre l'illettrisme, c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'ordinateur chez vous, ou si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas familiarisé avec l'emploi de l'ordinateur, Pôle emploi a à disposition des guichets avec des gens, des accompagnants qui vont aider les gens à faire une démarche sur l'écran. Et pas la faire eux-mêmes, mais leur apprendre comment on l'a fait sur Internet. Ce qui est aussi œuvre de pédagogie que fait Pôle emploi. Donc vous voyez, il y a les deux. Pôle emploi ne se contente pas de dire « faites par Internet ou vous ne serez pas traité par Pôle emploi ». Dit « si vous n'avez pas Internet, venez, on va vous aider ». On parle même d'électronisme aujourd'hui, autrement oui. Dit un manque de connaissances des clés nécessaires à l'utilisation des ressources électroniques. Comment on peut y remédier? Alors on en remédie. Alors soit on est en situation professionnelle ou en demande d'emploi, et il y a des outils. On a par exemple, alors je reviens à des programmes régionaux qui s'appellent les ateliers de compétences clés et les ateliers de compétences clés en situation professionnelle. Soit pour les gens qui travaillent déjà, ça peut être un frein pour un employeur lorsque vous dites à votre employeur vous n'êtes pas capable de renseigner un bon de commande ou une livraison sur l'ordinateur pour un magasinier par exemple. Le magasinier, il doit travailler sur ordinateur. Il faut aider ces gens-là. Donc, il y a aussi des ateliers. Il y a je parlais des compétences clés en situation professionnelle, des ateliers de compétences clés qui sont développés par la région, qui est aussi un guichet à actionner pour les gens qui sont en situation d'illettrisme et qui nous écouteraient. Il y a aussi un dispositif qui a été mis en place par les organismes de formation qui s'appelle le CLEA, qui est une clé d'apprentissage, qui donne une sorte de qualification aux gens. C'est pas un diplôme, mais c'est une qualification pour certifier que ces gens-là disposent des savoirs de base nécessaires pour leur permettre d'évoluer dans un monde professionnel. C'est-à-dire écrire, parler, répondre au téléphone, savoir une première approche de l'ordinateur. Vous avez fait tout à l'heure le lien entre illettrisme et échec scolaire. 15% des élèves de 3e ne maîtrisent pas le français. D'après une étude nationale du ministère de l'Éducation, il y a un problème là ? Oui, il y a un problème, bien sûr. Je parlais tout à l'heure des causes et du traitement qu'on a à faire l'illettrisme. Dans le traitement, il y a avant tout la prévention. Le décrochage scolaire. Absolument. Mais le décrochage scolaire, en fait, il se prépare, malheureusement. Il est préparé. Je discutais avec des enseignants déjà il y a pas très longtemps, c'était mercredi dernier, qui m'expliquaient que dès la 6e ou la 5e, ils voient arriver le décrochage. C'est-à-dire qu'ils voient certains élèves dont ils pensent que si on continue sur cette voie-là, ils vont décrocher un jour. Avec différentes raisons, sans doute. Avec différentes raisons. Il y a des causes familiales, il y a des causes culturelles, il y a beaucoup de causes. Il y a des causes d'addiction aussi, malheureusement, chez les jeunes. Il faut les traiter, il faut les voir. Donc, on œuvre aussi, on a des programmes, notamment des plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs scolaires qu'on est en train de mettre en place, qui vont être en place effectives au 1er novembre 2016, avec tous les partenaires locaux, l'État et partenaires et collectivités locales. Concrètement, ça va consister en quoi ? Ça va consister à détecter les décrocheurs. Alors, si possible, le plus en amont possible. Alors, souvent, ça va être en troisième. Même si on va mener des actions pour les identifier un petit peu plus tôt, mais en troisième et ensuite et identifier aussi ceux qui ont déjà décroché et qui sont, j'allais dire, un peu dans la nature. On en a à peu près à La Réunion 30 000 de personnes qui sont entre 16 et 29 ans et qui sont pas en situation d'emploi et qui sont sortis du radar du système scolaire. Aller les chercher et les remettre en situation. Alors, par la formation, par l'école de la deuxième chance, par tout un tas de dispositifs qui existent à La Réunion les remettre en situation de reprendre une qualification. Et ces gens-là, ben, évidemment, ils vont être les premières victimes de l'illettrisme. C'est-à-dire que si c'est des gens qui sont sortis du système scolaire, qui ne continuent pas à lire, à écrire, à compter, etc., l'illettrisme, encore une fois, c'est quelque chose qui arrive doucement dans la vie. Donc voilà, c'est... Il y a aussi une autre raison un autre moyen de traiter, je dirais, un peu l'illettrisme, c'est de scolariser les enfants le plus tôt possible. Et en ayant parlé avec le recteur il n'y a pas très longtemps, l'État met des moyens aussi pour avoir des postes. C'est que La Réunion a encore plus de postes de professeurs des écoles ici pour pouvoir scolariser les enfants dès le plus jeune âge. Gilles Trémont, merci d'avoir été l'invité de Réunion Première ce matin. Merci. Bonne journée. C'était merci. Votre invité ce matin, Philippe Dornier, le sous-préfet chargé de la cohésion sociale et de la jeunesse. Une interview à retrouver, si vous l'avez raté, à 13h30. Et nous, on continue cette matinale jusqu'au journal de Cécile Thomas. Et on fera un point également sur le trafic avec Yves Gruyer. Kenji Girac Soprano, nommé Miresmas. Miresmas, je t'en supplie, laisse-moi t'oublier, je ne peux pas lui faire ça. Ne joue pas avec le danger. Non mais Miresmas, Miresmas, je t'en supplie, laisse-moi t'oublier, je ne peux pas lui faire ça. Si tu juegas con el peligro. Ça fait plus d'une semaine qu'il te décrit comme un poème. Il nous parle que de toi, il vit sur un nuage depuis que tu vis dans ses bras. Il a retrouvé le sourire depuis que tu es son avenir. Tu es devenu sa joie, mais tout a changé quand j'ai compris qu'il parlait de toi. Oh. Que je suis avec elle, vos regards ne sont plus les mêmes. je deviens parano. Quand mon ami m'a-tu planté un couteau dans le dos. Le duo Kenji Girac et Soprano, nommé Miresmas d'un grand matin. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Vous êtes à Petit Bazar, Yves. Oui, avec de bonnes nouvelles déjà, le beau temps, puisqu'il fait très très beau, sur les hauts également, et puis la circulation ralentit simplement donc au niveau de l'échangeur nord de Sainte-Suzanne, après la montée de Bel-Air. Alors il y a des zones bien coincées, surtout à proximité des échangeurs de la Convenance et celui du Verger. Après, il y a quelques petites zones roulantes, ça reste très dense, jusqu'au front de mer de Saint-Denis, il y a quelques petites zones un peu moins encombrées. Patience et prudence sur tout le long de ce trajet. L'entrée de Saint-Denis côté ouest, on est revenu après le virage du gouffre en ce moment, donc ça va un peu mieux sur la corniche. Le pont Minsan, lui, toujours en difficulté, tout comme les deux tranchées du boulevard sud. Sur le Lancastel, c'est encore roulant pour le moment. Et puis côté ouest, c'est repassé à l'entrée du viaduc du Bernica. On est repassé après la tranchée couverte de Saint-Paul. Ça, c'est également une nouvelle pour ce vendredi. Pas de soucis encore trop au niveau de Grand Fond. Les ralentissements se font surtout au niveau du Cap Champagne, donc à l'arrivée de Boucan. Et puis vous dire que le trafic est très dense, attention entre Mont-Capri, c'est la sortie des casernes, sans que ce soit vraiment à l'arrêt. InfoRoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Il est 7h30 sur la première. Le journal de la rédaction est présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Pas d'alcool pendant la grossesse, un message simple pour éviter des drames. Journée de prévention du syndrome d'alcoolisation fœtale quand la maman boit, le bébé aussi. Explication dans ce journal. Plainte contre Enzo Bernard, plainte contre Michel Bénard. La famille Boyer attaque en justice après le coup des barrières sur le tour cycliste. Nous ferons le point avec Antoine Garnier. Le coup de pouce fiscal prolongé pour les entreprises outre-mer, trois dispositifs qui devaient progressivement disparaître, sont maintenus. Et puis elle aime les boucles et les chignons. Rencontre avec Romy, elle est coiffeuse et représentera la Réunion au Salon mondial de la coiffure à Paris à partir de dimanche. C'est aujourd'hui la journée mondiale du syndrome d'alcoolisation fœtale, un syndrome marqué par des malformations du cerveau des bébés. Pour les cas les plus graves, la consommation d'alcool est en fait la première cause de handicap mental non génétique chez l'enfant. Le SAF, comme on l'appelle, est la complication la plus grave d'une consommation d'alcool pendant la grossesse. Daniel Dambreville. Quand une femme enceinte boit un verre d'alcool, c'est le fœtus qui trinque. L'alcool passe dans le placenta, agit sur le système nerveux central du bébé, occasionnant des atteintes cérébrales, des malformations, des retards de croissance, des troubles d'apprentissage et des troubles du comportement. À La Réunion, classée 3e région pour la mortalité liée à l'alcool, on estime qu'entre 4 à 11 enfants naissent chaque année porteurs du syndrome d'alcoolisation fœtale. 140 présenteraient des troubles causés par le SAF. C'est donc pour l'Agence de santé une préoccupation majeure de santé publique. En septembre 2015, elle a décidé, dans le sillage d'un plan de lutte nationale, la mise en place d'un plan d'action régional de prévention et de prise en charge du SAF avec la création d'un centre ressources expérimental. L'association SAF Océan Indien, qui se bat depuis 20 ans pour faire reconnaître les dangers de l'alcool pendant la grossesse, se félicite des efforts mais réclame plus d'engagement de l'État, en particulier dans le diagnostic et l'accompagnement des mamans. L'association a toujours prôné, pendant la grossesse, c'est zéro goutte d'alcool. Cette année, la campagne nationale reprend à l'unisson. 9 mois, zéro alcool. Et pour en savoir plus sur cette journée de prévention, consultez le site de SAF, SAF Océan Indien. Les suites judiciaires de l'affaire Boyer sur le tour de l'île cycliste. Souvenez-vous, dimanche dernier au port, à l'arrivée de la première étape du tour, le père de Jonathan Boyer avait entravé le sprint mené par deux coureurs pour protéger son fils. Selon lui, les deux sprinteurs ont lourdement chuté. L'organisateur de la course a parlé d'attentat. La famille Boyer a pris un avocat qui s'apprête à déposer une plainte contre Enzo Bernard, le coureur jugé responsable de la chute de Jonathan Boyer, plutôt sur la course. Il déposera également une autre plainte, cette fois contre l'organisateur de la course, Michel Bénard. Le point avec Antoine Garnier. Il reconnaît que son client, Jean-Bernard Boyer, n'aurait pas dû mettre ses barrières en travers de la route. Mais le bâtonnier Waraud insiste sur les événements qui l'ont conduit à ce geste fou. Il rappelle que le fils de Jean-Bernard, Jonathan, dont il défend aussi les intérêts, est toujours hospitalisé en soins intensifs suite à l'accident survenu peu de temps avant l'arrivée. Le coureur qui a causé sa chute, Enzo Bernard, a été exclu de la compétition. Cela laisse au bâtonnier l'espoir de le faire condamner. Mais selon lui, il n'est pas le seul responsable. L'avocat accuse Michel Bénard, le directeur de l'organisation du Tour, de blessures involontaires et de mise en danger de la vie d'autrui. La plainte qui doit être déposée à son encontre aujourd'hui ne semble toutefois pas inquiéter le dirigeant sportif. Michel Bénard se demande si ce n'est pas, je cite, « le monde à l'envers » et répète que son équipe a respecté la réglementation et cela sous le contrôle de la Fédération française de cyclisme. Antoine Garnier. Le coup de pouce fiscal aux entreprises ultramarines prolongé, Erika Barège, la ministre des Outre-mer, a obtenu de Manuel Valls le maintien des aides fiscales aux entreprises dans les zones franches d'activité outre-mer. Trois dispositifs fiscaux sont concernés, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, l'impôt sur les sociétés et la taxe foncière. Ces taux d'abattement applicables aux entreprises des zones franches d'activité devaient à l'origine progressivement être réduits, ce que contestait le patronat outre-mer. Marie-Carline Chardonnay. C'est une annonce à 15 millions d'euros qu'a faite la ministre des Outre-mer, Erika Barech, à l'issue de sa première rencontre avec Manuel Valls depuis sa prise de fonction. Et pour le moment, seulement trois dispositifs fiscaux sont concernés par le gel des abattements applicables aux entreprises dans les zones franches d'activités ultramarines. À compter du 1er janvier, la contribution de la valeur ajoutée des entreprises CVAE ex-taxe professionnelle conservera un abattement à 70% au lieu de baisser à 65%. L'impôt sur les sociétés se maintiendra à 35% au lieu de baisser à 30%. Et l'abattement sur la taxe foncière sera maintenu. Pour l'État, l'application du dispositif de zone franche d'activité représente une perte de recettes annuelles de 90 millions d'euros répartis entre environ 27 000 entreprises, tout département d'outre-mer confondu. Le coût global du dispositif des zones franches d'activité ultramarines reste relativement élevé. Pourtant, Manuel Valls a donné son accord pour la suppression de la dégressivité de ces trois agencements qui devraient être inscrits dans le budget 2017, examiné à la fin du mois. Marie-Carline Chardonnay. C'est le dernier jour ce vendredi pour consulter et donner votre avis sur le projet de loi sur l'égalité réelle, projet porté par Erika Barège. Les débats parlementaires devraient démarrer dans moins d'un mois. Hier, la fédération locale du Parti Socialiste tenait une conférence de presse pour défendre le bilan de François Hollande. L'occasion de défendre le projet de loi sur l'égalité réelle outre-mer, très critiqué par l'opposition. Pour Christian Annette, porte-parole du PS, l'égalité réelle passera surtout par l'éducation. Un des objectifs majeurs que l'on veut voir figurer dans le long terme, c'est améliorer notre système éducatif. Nous ne pouvons pas continuer à produire 2250 illettrés chaque année. Ensuite, il y a ceux qui sortent de l'école sans diplôme, même s'ils savent lire et écrire, mais ils n'ont pas de qualification. On ne peut pas avoir une réunion épanouie et développée si la population n'est pas éduquée. L'égalité dans l'éducation, elle aurait pu être faite sous ce quinquennat. C'est un combat qui est long. Il y a eu l'amendement Vlaudy quand même sur l'apprentissage français par le créole, mais vous voyez bien quand l'amendement est le moment où ça rentre dans la réalité, même si on a un recteur réunionnais, c'est très difficile. Et il faut bien qu'on trouve le système, qu'on trouve des méthodes, qu'on trouve des solutions pour une meilleure éducation pour nos enfants. Christian Annette, porte-parole du PS local, répondait à Gaël Le Dantec. Ils ont déjà un travail, mais leur entreprise les forme pour qu'ils évoluent au sein du groupe. Remise de diplôme hier pour 15 jeunes responsables opérationnels de la distribution. Leur employeur, le groupe Ayo, mise sur ses salariés. Et c'est aussi une façon de les façonner à une image et de s'assurer d'avoir du personnel qui répond aux attentes de l'entreprise. Après un an en alternance, Michael Morel est sorti major de cette première promo. Il espère que cette réussite dans les études lui permettra d'accéder à un nouveau poste. Alors j'ai eu un parcours assez atypique. J'ai commencé en tant que comptable. J'ai eu une coupure après donc, où je me suis orienté dans tout ce qui est agriculture et tout ce qui est maçonnerie pour repartir après sur un diplôme en assistant de gestion et revenir à, on va dire, un petit peu au métier que j'aurais préféré avoir, donc le métier de commercial. Donc là je suis toujours en tant que vendeur dans le magasin, mais avec une évolution qui peut être possible grâce à ce diplôme. Ça s'est passé comment? C'est 12 mois? Formation, voilà, 12 mois avec donc une semaine de formation par mois et donc le reste en entreprise. Donc là, théoriquement, vous incorporez l'encadrement? Dans le cadre du magasin, donc là, c'est une appellation, c'est responsable univers pour les propositions. Donc, j'ai eu déjà quelques petites remontées, mais voilà, on attend encore. Michael Morel interrogé par Daniel D'Ambreville. Autre exemple de réussite professionnelle, Romy Le Billon est coiffeuse. Et les 11 et 12 septembre prochains, elle défendra les couleurs de la Réunion au Salon mondial de la coiffure à Paris. À 27 ans, la jeune fille a été sélectionnée lors d'un show organisé par la mairie du Tampon en novembre dernier, ça fait déjà un an presque, après une formation avec une coiffeuse renommée, la Tamponnaise, est fin prête pour réaliser un beau chignon tout en boucle et en volume. Suzette Emma. Romy Le Bihan a des idées plein la tête et sur les cheveux. À 27 ans, la jeune tamponnaise entend le prouver au Salon mondial de la coiffure à Paris. C'est pas parce que je viens de La Réunion et qu'on est à La Réunion, très loin des grandes villes, qu'il se passe rien ici, quoi. Comment vous allez vendre La Réunion ? Avec la coiffure d'une, mais surtout que bah, y a de belles filles, de belles coiffures et tout type de cheveux à La Réunion. Spécialiste du chignon, Romy fera le show Boucle et Volume le 11 septembre. On m'a demandé quel est le style de coiffure le plus courant à La Réunion. Pour moi, les réunionnaises, elles ont, oui, effectivement, beaucoup de volume et beaucoup de boucles. J'ai déjà mon idée. Après, ça marche aussi au feeling. On fera sur scène ce qu'il faut. Et oui, je sais le montage du chignon que je dois faire. Formée par Franck Provost pendant 4 ans après l'école, la jeune coiffeuse n'a cessé de se perfectionner depuis en travaillant dans de nombreux salons et testant plusieurs styles. Sa participation au Salon mondial est vécue comme une consécration. C'est un aboutissement de pas mal de choses. J'ai quitté La Réunion à 18 ans pour aller faire ma formation de coiffure là-bas. Et revenir ici, être autant sollicité, ouais, c'est une récompense, je vais dire. Et autre récompense, Romy commence à côtoyer des personnalités. Elle a coiffé toute la famille de Dimitri Payet pendant son séjour à La Réunion. Ah bien. Et assurer la coupe d'un footballeur professionnel, ça c'est la consécration. Vous êtes sûr que vous créez la mode pour tous les gamins de primaire, hein. Tout le monde a la coupe de Dimitri en ce moment. C'est clair. C'est la coupe la plus tendance. Vous pouvez même breveter la coupe, hein, quasiment. Une femme d'argent. Mika, t'as la coupe de qui? Bah de moi. Enfin, du matin. Pas de foot. Du matin. Et je fais pas de foot aussi. C'est pas très utile. Cécile, allez vous reposer, je me sens fatiguée. Oh, bah, ça sentait comme ça ? Non, non, mais je vous vois fatiguée plutôt. Ah. Et c'est le gars qui pète la forme, hein, qui dit ouais, ça. Ouais, c'est ça en plus. C'est là que c'est bon. C'est allez, on revient du, lundi. Bah oui. À lundi, bonne bisous. Journée. Merci. 7h41 sur la première. L'été vous est présenté par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Le challenge sport a commencé. Nous marchons tous en Robocop. Ah, moi ça va. Moi ça va. Ouais, mais, oui, mais en même temps, tu fais pas de sport, Isa. Donc, c'est vrai. Bon, bref. Sinon, baigné par les rayons du soleil, vous êtes heureux. Heureux avant ce week-end qui risque aussi de vous rendre heureux puisque le soleil va s'imposer une bonne partie du week-end et même lundi, d'après Météo chouette. France. Même si demain, on pourrait faire avec quelques nuages un peu plus imposants, tout de même, surtout dans l'Est. Globalement, impression de beau temps qui domine. Aujourd'hui, on va se mettre de la crème solaire, surtout que maintenant, les indices UV commencent à monter. Puisque le soleil est un peu plus fort, on s'approche de la fin de l'hiver. Donc surtout, si vous allez dans les hauts, vous montez dans les hauts, mettez bien votre crème solaire. Et bien sûr, forcément aussi sur la plage, si vous faites Farnienne. Soleil bien présent, cirque, volcan, plein et bord de mer. Profite de ce soleil généreux. Cet après-midi, nuages plus nombreux dans les hauts et les cirques, et notamment sur le nord-ouest, vers le port ou la Possession. Et petit conseil, si vous emmenez vos enfants à la plage, pensez à mettre de la crème solaire sur les petites oreilles. Oui. Et sur les doigts de pied. Parce que souvent... Et puis, mettez la serviette quand vous sortez de l'eau, parce que quand vous sortez de l'eau, car il y aura du vent à Saint-Pierre, 50 km/h, ainsi qu'à Saint-Denis. Les températures, 27 degrés aujourd'hui sur le littoral. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et vous êtes du côté de Beaulieu. Oui, attention, la zone de rainurage a augmenté puisqu'elle commence juste à la sortie du pont de la rivière des Roches actuellement. Donc il y aura sans doute du balayage à prévoir durant le week-end, notamment demain. Et puis par contre, il y a quand même une zone d'enrobée neuf qui a été réalisée dans la descente de Bourbier avant Beaulieu. Première couche d'enrobée, bien sûr, vous connaissez le principe maintenant, vous êtes habitué avec ces travaux de nuit qui se déroulent dans ce secteur. Ça ralentit légèrement entre Beaulieu et le pont de la rivière des Marsouins. Côté est, l'entrée est de Saint-Denis va toujours ralentie entre la ravine des Chèvres essentiellement maintenant, hein, donc ravine des Chèvres jusqu'à l'entrée du front de mer de Saint-Denis. Ça coince toujours sous les tranchées et sur le pont Vinsan. L'entrée ouest est aux Potences, hein, donc que démarrent les ralentissements, donc là ça va un peu mieux. Côté ouest, c'est revenu à l'entrée de la tranchée couverte en haut du viaduc et toujours du côté de Boucan, mais pas au niveau de Grand Fond pour le moment. Attention, on a eu des informations comme quoi c'était compliqué pour traverser Saint-Gilles-Léo en provenance de la Saline, donc la Chapelle Pointue, Villèle. Alors il y a des travaux qui se font en ce moment en traversée de Saint-Gilles-Léo avec le chantier qui démarre parfois avant 7h30 et donc sans doute ces problèmes liés à ce chantier qui se déroule en ce moment. La descente du tampon plutôt roulante, ça c'est la bonne nouvelle donc pour descendre sur Saint-Pierre. Grand matin avec Isabelle Waro et Mickaël Laurette. Et la dernière ligne droite. Dernier. Vers votre journée que vous avez passée sur Réunion première, forcément. Exactement, avec Jackie Revel qui sera là pas 8 heures. Votre croisière, puisque avant 8h, on va enfin savoir d'abord qui repart avec ces deux invitations pour aller au cinéma et surtout qui est le grand gagnant de notre tirage au sort qui va vous envoyer flouk direct sur un catamaran. Parce qu'après vous avoir réveillé ce vendredi, eh bien on pense déjà à votre week-end. Bah bien sûr. Forcément. Enfin. Et ça peut aussi vous donner du baume au cœur pour faire cette journée de la meilleure des façons. Vous, voilà. Vous avez qu'à chercher de la crème solaire. On s'occupe du reste. C'est ça, on a le catamaran. Tout est fait. Comment on fait? On poste sa photo de petit déjeuner. Ouais, mais alors vite, vite là. Sur la page Facebook de Grand Matin. GRN apostrophe matin. Et vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre cette communauté. Et ça, ça nous fait plaisir. On vous salue. Vous faites on comme vous le embrasse. Boss. Si le boss l'a fait, notre boss l'a fait, vous pouvez le faire. D'ailleurs, je pense qu'on va rajouter un cadeau la semaine prochaine. On va demander au boss de nous inviter tous chez lui. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à bouffer chez vous, le boss. En tout cas, merci à tous ceux qui ont posté la photo ce matin. Oui. Vous continuez de le faire. Mmh. Avant 8h, eh bien, le zapping sera de retour. Ça même. Avec encore, bien sûr, forcément, des bafouillages, des maillages et des moments insolites de la radio. Mmh. Et puis, d'ici là, c'est Jim Fortuné. Avec Manalou, Vang Vang. Allons, qui aimerait pas Vang Vang, genre du vendredi avant le week-end. Oh là là. Bonne journée à vous. Bisous. Wale, dans le pays là, wale. Wale bang ba bang a wale, wale bang lao lao, wale ba bang a lao, wale bang tan pei la, wale bang bogi, wale tan pei la, wale, wale. Il y vole, il vend et il vive la vie. Son tête y en tasse, il masse la mime, machine à lire. Son manière quand il rit, quand il casse les cuits. Quand il roule, il sent son maloya. Quand il roule, il sent son maloya. Aposa un sort, y'a toujours dit. Son rêve voyage, oua de moun, l'autre côté malé. Si côté caillant de notre pays, pour vous son maloya pas là-bas. Pour vous son maloya pas là-bas. Wale dans le pays là, wale. Wale bang ba bang a wale. Wale bang la la wale. Ba bang a la wale. Bang dans le pays là, wale bang bangé. Y'a wa son figure de bi. C'est Kaniki, Ali tout le temps pogné pour faire les fangounis. Ça qu'on a l'ambiance, commence par son lit. Sans déroule, il sent son maloya. Sans déroule, il sent son maloya. Aposa un soldat toujours dit. Son rêve voyage, roi de l'autre côté Mali. Sous côté caillon de notre pays. Pour vous son malheur y'a pas là-bas. Pour vous son malheur y'a pas là-bas. Wale dans le pays là, wale. Wale bang bang bang a wale. Wale bang la la wale. Bang bang la wale. Dans mon pays là, wale. Bang bang. Jim Fortuné qu'on adore, nous dans le grand matin. Tu chantes bien. On arrête le temps. Là, maintenant, oui. Avant de continuer la matinale, d'accord. Forcément, c'est un moment super important de l'émission. Fred et Jamy reviennent. Oh yeah. C'est la question. Pas si utile, mais quand même. Ouais. Elle est pas bête. Pas si utile. Elle est pas si utile, mais quand même. Mais quand même. Pourquoi la mer est-elle salée? Ah, je sais. C'est la question. Ah, alors, je sais. Pourquoi, Isabelle? Dites-nous. Parce que dedans, il y a des morues. Non. Et puis, alors les poissons, ça se dessine pas en carré non plus. Hein. Ce ne sont pas des poissons panés dans la mer. Non. C'est pas en bâtonnet, les poissons. Non. Oh, non. Bah alors pourquoi la mer elle est salée? Eh ben c'est pas ça du tout. Alors on va vous expliquer quand même. Vous avez déjà bu la tasse? Oui. Ah oui, ça oui, tout le monde l'a bu. Hein. Les eaux sont plus ou moins salées, des fois. Plus salées par moment, un peu moins dans d'autres océans ou dans d'autres mers. Bon, ça, okay. Je sais pas. Hein. Bon, tout dépend où vous êtes parti, vous baignez. Voilà. Bon, à l'origine, aucune eau n'était salée sur Terre. Ça, il fallait le savoir. Et puis, il y a eu le grand lessivage des roches lors de la déglaciation de la Terre. Il y a plusieurs milliards d'années, des pluies intenses sont venues frapper les roches. C'est ça le truc. Et elles ont arraché leurs composants, et notamment leurs sels. Et ben, ces pluies ont ruisselé jusqu'aux mers et aux océans. D'où le fait que les eaux sont salées. Alors, pourquoi pas celles des lacs ou des rivières, vous me direz? Bah oui, elles le sont toujours un peu. Pourquoi, Jamy ? Elles le sont toujours un peu, mais faiblement, car elles sont alimentées par les eaux de pluie non salées et qu'elles ruissellent sur des roches qui sont complètement lissées, sur lesquelles elles ne peuvent plus arracher d'éléments. Voilà pourquoi les lacs et les rivières ne sont pas très salés. Alors pourquoi il y a des différences entre les étendues d'eau ? Eh bien tout ça, c'est lié au climat. Par exemple, chez nous, l'eau va se saler davantage, puisque c'est un endroit plus chaud, puisqu'il y aura plus d'évaporation et que les précipitations se feront ailleurs, au-dessus d'autres terres, mais aussi de mer et d'océan. D'accord. Voilà. Où l'eau est devenue plus abondante, eh bien, elle se fera moins salée. Voilà. Quand l'eau est plus abondante, elle est moins salée. Quand l'eau est moins abondante, elle est donc, du coup, plus salée. Un peu comme chez nous, hein, elle est moins abondante, notre eau. Vous voyez, les petits lagons et tout, donc forcément, c'est plus salé. Plus chargé en eau. D'accord. Et puis alors, bon à savoir, le sel, nous ne risquons pas d'en manquer. Et si on retirait la totalité du sel présent dans les mers et les océans pour le déposer sur les continents, il recouvrirait 6 à 7 mètres de haut. Énorme, quand même. 6 à 7 mètres de haut. Bon. Voilà. Écoute, sinon, notez que l'eau de la mer, c'est très bon pour la santé. Oui. Il y a des oligo-éléments dedans. Et puis, tu sais, pour nous les demoiselles, surtout si tu marches dans l'eau de la mer avec le sel et tout, ben, ça tire un peu la cellulite. Et si vous voulez voir une terre pleine de sel, et ben vous allez au Salar d'Uyuni. C'est en Bolivie. C'est le désert de sel. Ah bah tiens, et allez. C'est à voir. Voilà. D'accord. C'est à voir, ce sont des paysages salés. Merci Jamy. Merci Fred. À lundi. Première. 16h, 18h, le bon tempo avec David. Ils font la Réunion. Ils ont rendez-vous dans le bon tempo sur Réunion Première. Acteurs du monde culturel. Les artistes de la Réunion à l'honneur. Sportifs, associations, jeunes entrepreneurs, réunionnais du monde. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire se rencontrer. Le rendez-vous détente de votre après-midi. Le bon tempo avec David, du lundi au vendredi, de 16h à 18h sur Réunion Première. Aujourd'hui, c'est Antoine de Cannes qui ne revient pas d'avoir des bons à parier offerts. C'est pas vrai ! Oh yes ! Yes ! Yes ! Mais oui, Antoine, pour la rentrée, pendant les jours 100% gagnants, votre bon à parier est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Du 2 au 11 septembre, pour tout quintet plus de 6 euros minimum joué sur la course du jour, PMU vous offre un bon à parier d'une valeur de 2, 4 ou 10 euros, valable sur le quintet plus du lendemain. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Première. Alors peut-être que vous allez acheter le dernier bijou de la technologie de la marque à la pomme. Ou pas, mais au moins ça vous intéresse. Ça coûte cher. Ça coûte très très cher. C'est abusé. On a calculé. C'est cher. Si on prend le dernier iPhone plus l'iWatch, c'est à peu près un SMIC. Hein. Donc accrochez-vous. Accrochez-vous. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur l'iPhone 7, bah, c'est maintenant. Avec ça, Pascal Rizou. Connect Première. Bonjour, c'était mercredi soir, l'événement le plus important de l'année pour Apple, sa keynote annuelle, ça s'appelle comme ça, une keynote, avec présentation des nouveaux produits à venir, dont l'iPhone 7, le premier smartphone avec un bout de fil qui pend. Et oui, c'est l'adaptateur qui va permettre d'écouter de la musique via la prise de recharge Lightning. Bon, c'est un adaptateur, on peut l'enlever évidemment quand on ne s'en sert pas. La rumeur l'avait fait pressentir, ou plus exactement, Apple avait fait fuiter l'info pour voir la réaction des clients, pour les habituer à l'idée de l'abandon de la prise mini jack et afin de ne pas avoir un tonnerre de colère, justement le soir de la fameuse keynote. Tout ça pour faire de la place, un iPhone encore plus fin, moins lourd. Il est vrai que la prise mini jack restait l'élément le plus épais du téléphone. Alors bien sûr, l'iPhone 7 est livré avec des écouteurs ayant cette connectique Lightning. Bien sûr, Apple va aussi proposer des AirPods, des écouteurs sans fil. 179 euros, 20 000 francs CFP. Certes, mais les meilleurs casques, on le sait, ne sont pas les casques Apple, et ceux qui ont récemment investi dans un casque haut de gamme n'apprécieront que moyennement. Et puis surtout, entre recharger son iPhone et écouter sa musique, il va falloir choisir. Bah oui, puisque c'est au même endroit que ça se passe. Fini de recharger son téléphone dans l'avion en écoutant sa musique préférée, il faudra se contenter des bruits ambiants de la cabine ou arriver à destination avec un smartphone à plat. Deux modèles d'iPhone ont été présentés par Tim Cook, l'iPhone 7 et le 7 Plus. Sur ce dernier, un double capteur permettant des photos de type grand angle, un zoom optique de 2 grimpant à 10 en numérique. Sur les deux modèles, le bouton d'accueil n'est plus du tout mécanique, mais est entièrement tactile avec un ressenti vibration. Et il est étanche, ce téléphone, dans moins d'un mètre d'eau. écoute stéréo désormais pour l'iPhone et un volume doublé par rapport au modèle précédent. On se rapproche de l'effet dance floor des nightclubs. Et puis, un processeur à 10 fusion à 4 cœurs plus puissant, une capacité de mémoire intégrée plus élevée, 32, 128 ou 256 gigas, et en gros, comptez de 25 à 50 euros de plus que les modèles précédents 6 et 6S, de 3 à 6 000 francs plus cher donc que les modèles actuels. Voilà pour les caractéristiques principales de votre prochain joujou. Belle journée. Ouais, ou pas. Hein. Ça fait cher le joujou. Merci hein, Pascal Rizzo. Alors, qui c'est qui a gagné ? C'est ça la question ! Eh ben bravo, bravo, bravo, bravo à Gaëlle ! Eh oui, elle repart avec ses deux invitations pour le cinéma, le film Éternité. Des invitations valables dans toutes les salles du réseau Moret Film, Multiplex Ciné-Cambé de Saint-Paul, le Lacasse de Saint-Denis ou le Plaza de Saint-Louis. Gaëlle, on vous passe un petit coup de fil pour vous expliquer tout. Ne vous inquiétez pas. Avec la ravissante Audrey, tout. Mais il y avait un autre cadeau, le cadeau de la semaine. On est vendredi. Vendredi, c'est tirage au sort. Repart avec sa croisière pour deux personnes. Allez, je choisis. Sur l'eau de mer, on choisit. C'est parti, on appelle. Ça sonne. Allez, voilà. C'est choisi. Ça sonne. C'est bon. Du côté de chez. C'est une madame. C'est une madame. Elle a posté sa petite fille sur Facebook. En train de prendre son petit déjeuner cette semaine. Est-ce qu'elle va répondre ? J'espère. Ça serait dommage qu'elle ne réponde pas. Oh. Allô ? Allô, Céline ? C'est Isa et Mika ? Oui, allô ? Oui, Isabelle, Mickaël. Ça va, Céline ? Ah, super ! On vous réveille pas ? Pas du tout, je suis au bureau. Eh ben, parfait. Oh, vous savez pourquoi on vous appelle ? Ben oui ! Vous allez passer... Un petit week-end en catamaran. Voilà, alors vous allez passer une... Super journée aujourd'hui. Oh oui. Parce que ce week-end, vous pourrez aller effectivement en croisière avec la personne de votre choix. Eh oui, Réunion Première et Croisière et Découverte vous offre une croisière à bord de Cata Passion, ma chérie. Ça va durer 3 heures, c'est génial. Voilà, bon matin. Eh ben, de rien, Céline. Ça vaut le coup de vous écouter. Ah, vous avez vu ça un peu ? Oui. Bah, continuez de le faire et des bisous à votre petite fille aussi. Bisous, bisous. Oui. Salut, Céline. Bye bye. Merci beaucoup. Au revoir. Ah là là. Alors, il y a des expressions spéciales Réunion Première. Il y a aussi des comparaisons douteuses. Et puis, simplement maillage. Quoi. Bon, pour résumer, des fois ça passe et puis des fois ça. Ça casse. Ça casse. Ça casse. Il ne faut pas chercher les bêtes, hein. Il ne faut pas chercher les puces. Hein. Il n'y avait pas que des bonbonnes de gaz dans le coffre de la voiture suspecte retrouvée à Paris. Mais voudrait mon corps y explose. Et on nous reproche justement à La Réunion d'être trop molle. Comment ? Pardon ? D'être trop molle. Sinon, après, j'ai la jambe fraîche sous la main. Ah. Et si vous avez la jambe confie ? Ouais. Il re-redit bonheur le matin. Comment ? Pardon ? Il re-redit. Ben... Un jour, t'es roule sur la route littorale, où l'a vu un camion passer devant vous et le camion, on l'avait point de chauffeur. J'ai doublé le camion, quand je regarde, il n'y a rien, il n'y a personne à côté. J'ai eu peur, quand j'étais plus jeune, je demandais à mon père c'était quoi, il m'a dit fais pas un compte, c'était des mauvais trucs, comme avant il y avait beaucoup de mauvaises armes ici, ça c'est le monde invisible, on sait pas c'est quoi. De plus en plus nous avons des chiens de race, hein. Et pour le toilettage, bon, on a beaucoup de rasta, hein. Il y en a beaucoup qui ne sont pas toilettés. C'est bien. Voilà. Pardon ? Des chiens de race. Pour le toilettage, on a beaucoup de rasta. Hein. Il y en a beaucoup qui ne sont pas toilettés. C'est bien. Voilà. Pardon ? Chiens de race. Pour le toilettage, on a beaucoup de rasta. Hein. Il y en a beaucoup qui ne sont pas toilettés. C'est bien. Voilà. Cause all I ever have, redemption songs. Ça annonce une nouvelle semaine de zapping la semaine prochaine qu'on attend avec impatience. Il va s'en passer des choses ce week-end, je sens. Bonjour Jackie. Salut. Bonjour Jackie. Isabelle, bonjour Mickaël, bonjour à toutes et à tous. Ce vendredi 9 septembre, un notaire répond à vos... Ah non, c'est à Claude, ça. Oui, c'est Claude, c'est les experts. Si vous avez des problèmes avec votre famille, la succession, les papiers, tout ça, donation. Ah, ça c'est tout à l'heure, émission, à partir de Jackie. Ça, c'est la tienne. Voilà, ça c'est toi. Salut mon pays, à toi, vous allez couder Cambar, s'il vous plaît, avec Angelo. Le chef, il a emmené un gâteau en plus là avec nous. Il nous vient d'un hôtel de charme situé à Sainte-Anne. Mmh. Il cuisine aussi bien le métro que le créole. On salue tous ses collègues également. Oui. Et aujourd'hui, on a choisi de parler du gâteau Cambard. Mmh. Voilà, Nel Timorosso, vous êtes goûté aussi si vous activez. Dégustation pendant l'émission. Salut Pascal, salut Brandon. Et puis Radio Ménage, Astuce également. Mmh. Et personnage mythique, le Jaco. Ouh! Eh ben voilà, ça c'est fait. La colle Jacques, 8h, 10h avec Jackie, d'avance, bon week-end. Parce que là, il vaut mieux, là, il vaut mieux y aller. Hein. Ben alors, et oublie pas pour le panier garni, le mot de passé. Grenadine banane. C'est quoi? Ah, bravo! C'est grenadine banane. Grenadine banane. Eh, j'ai encore un peu d'esprit. Encore un peu de force. J'ai encore une case qui fonctionne. Salut la Réunion. Quelle Lorette. Prenez la route. À lundi. Sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Et il y a un véhicule qui est arrêté sur la voie de gauche au niveau de Franche-Terre en direction de Sainte-Suzanne. Un, voire deux. Ça a été signalé au CRGT comme accident. Moi, j'avais plus de véhicules arrêtés, mais je ne sais pas trop. Donc, ça se passe en direction, oui, vous l'avez dit, à Sainte-Suzanne. Franche-Terre, c'est juste après la ravine des chèvres au niveau de la bretelle de sortie qui peut partir vers la Vanirée donc, et qui rejoint le chemin Martin Luther King. Donc attention, en direction de l'Est, attention dans l'autre sens parce que ça doit susciter une certaine curiosité. Donc il y avait quand même encore quelques ralentissements avant d'aborder justement cette ravine des chèvres en direction de Saint-Denis. Voilà, les ralentissements, bah, c'est peu de changements. Ça roule mieux à Boucan, ça c'est la seule bonne nouvelle. Par contre, c'est toujours ralenti avant la tranchée couverte de Saint-Paul. Potence pour l'entrée ouest, Binsan et les tranchées toujours très encombrées et des ralentissements qui se font sous les tranchées du boulevard sud. Donc attention, hein, voilà, restez prudents, on va pas trop de problèmes encore ce matin sur le Lancastel vers l'est, mais il y a quand même un gros trafic, très bonne route. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Un nouveau point sur le trafic avec Yves Gruyé dans 15 minutes. On va souhaiter un bon week-end à Isabelle et à Michael. Merci, merci, on en a besoin. Oh oui, au thé. Pas moi surtout. On vous fait des gros bisous. On vous laisse de bonnes mains. Appréciez l'outil émission hein, quand vous allez sur la route, quand vous êtes en votre casa italienne. Ça cause avec Angelo Mugnama, donc l'un des chefs restaurants d'un hôtel de charme dans l'Est. Ouais. Il a choisi de nous parler on du manger, combat hein. aujourd'hui. Manger, oui, à manger. Et puis Radio Ménage, bien sûr, dans la colle Jacques jusqu'à 10h ce matin. Bienvenue, il est 8h. Le journal de la rédaction est présenté par Stéphane Enilorac. Bonjour Stéphane. Bonjour Jackie, bonjour à tous. De la Réunion à la Syrie en passant par Toulouse, depuis le mois de novembre 2015, deux journalistes enquêtent sur le parcours des frères Klein, les voix françaises de Daesh. Et vous l'entendrez dans ce genre de dossier, ce n'est pas toujours évident de recueillir de bons témoignages. Il avait été condamné à 3 ans de prison en première instance alors que le parquet en avait requis 15. Aux assises, cet homme va être rejugé en appel à partir d'aujourd'hui pour viol et agression sexuelle sur mineur. Et puis en fin de journal, le portrait d'une réunionnaise. Non, on va parler plutôt du groupe Ayotte qui engage des Réunionnais pour une formation dans les centres commerciaux. Ils sont les voix françaises de l'organisation État islamique et figurent parmi les djihadistes les plus recherchés au monde. Fabien et Jean-Michel Klein font l'objet depuis le mois de novembre dernier d'une enquête menée par deux journalistes dans des lieux fréquentés par ces deux Toulousains d'origine réunionnaise ces 15 dernières années. Marine Vlaovic et Karim Manan ont rencontré des témoins de la radicalisation des deux frères. Entre crainte et envie de s'exprimer, la première